Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. Bienvenue à C'est fou le sexe en ce 6 mars 2018. C'est-tu pas beau la vie? Yeah! Et bon matin! Printemps, ça sent printemps! Bon matin! Ben oui, vous entendez déjà les feuilles de pierre qui se préparent à vous accueillir dans ce monde merveilleux du sexe. De la sexologie, de la sexualité. Ouais, ok. Hein, parce que sinon... Mais à mon âge, on fait plus tellement la différence entre sexologie et sexe. Non! Tu mets tout ça dans le même bateau. Ouais. Ou dans le même lit. Quel jeu de mots. Donc, vous êtes en compagnie de Anthony. Pierre. Natacha. Et Mélanie. Nous serons là ce matin pour vous divertir et vous informer. Comme à tous les matins. Natacha, comment vas-tu? Ça va très bien. Avec le beau temps qui arrive, la chaleur qui s'installe parmi nous, c'est génial. En plus, en semaine de relâche, écoute. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est tranquille, hein, dans l'université. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Il y a de la place dans les stationnements, pour une fois. Eh oui. Puis toi, Pierre, comment ça va? Ça va bien. Oui? As-tu écouté des Oscars? Non. Non? Bon, OK. Ah, il y avait de la robe chic là-dedans. Eh, hein? Mon Dieu. C'est des robes qui sont prêtées par les... Les grands couturiers. Les grands couturiers, même les bijoux. Hein? C'est ce que je m'en allais dire. Même les bijoux sont, ouais, sont prêtés. Ils n'ont pas pris ça de l'Olorama du coin. Mais sérieusement, non, ils font de l'annonce. Hein? Ben c'est sûr. Ils font beaucoup de promotions. Moi, j'aimais ça, oui. Mais il y a un film qui a... C'était quand? C'était-tu... C'était dimanche. Dimanche? Oui. Puis c'était le 90e... cérémonie des Oscars. Donc, ça a commencé en 1929. Quand même. Et oui, en 1929. Et le parlant est arrivé en 27. Hein. Donc, le parlant de 1927. Ensuite, il y a eu, évidemment, 1928, 29. Et le premier film, je pense, à être couronné aux Oscars, c'était Hell's Angel. Quand même, quel jeu de mots. Alors, quel jeu de mots, hein? Bon, je me souviens pas sur quel... évidemment, les Hells Angels, c'était pas des gars à l'essai dans le temps. Je pense que c'était des types qui faisaient l'avion, là, des choses comme ça. Là. Puis, et tout ça pour dire, oui, j'aimais ça. Puis il y a beaucoup de glamour, hein, des belles femmes, des beaux gars. Oui. Ouais, selon toi, qui a eu la plus belle présentation? Y a-tu eu des femmes qui t'ont marqué aux Oscars? Non. Ben, pas particulièrement. Ah, celle qui faisait Wonder Woman était quand même assez spéciale. Gal Gadot. Oui, un mannequin israélien, mais elle n'avait pas, j'ai dit, condom, elle n'a pas de sein comme on voit dans les péripéties de Wonder Woman. Elle n'avait pas, c'est vrai, c'est un mannequin. Ah, je me dis, tabarouette. La joie du rembourrage. Oui, puis les joies du véritable aussi. Hein. Ouais. Fait que non, j'ai. Elle était jolie, en tout cas pour son corps aussi. Mais non, pour le reste, j'ai... non, j'ai pas... T'as pas eu coup de cœur. J'ai pas... Non, ça m'a pas... Moi, j'ai été marquée par une nouvelle qui est passée liée à ça. Rita Moreno reporte la même robe qu'en 1962. Écoute, la madame, là, écoute, ça fait quelques années de ça, là. Elle a fait modifier un peu sa robe, là. Mais j'aimerais pouvoir rentrer à nouveau après autant d'années. Elle a 86 ans. Oui, c'est ça. Quand même. On la voyait jeune en 55, hein, c'est ça? 62. 62, OK. Donc, mais c'est quand même une robe qui n'a pas été tant démodée. Tu sais, je la vois... avant et après, là. Puis les deux, elle porte très, très bien. Oui. Non, c'était... Ça m'a marqué. C'est un peu une robe à la Julie Snyder, je trouve. Oui, elle est assez bouffante. Ouais, ouais. Du bas du corps. Dans quoi qu'elle joue, elle, en soirée 2, c'était quoi son film, tu sais pas. Hein? Ouh, vite de même. Faudrait que je relise. Mais c'est vraiment une très belle robe. Puis c'est le fun qu'on puisse la reporter. Parce qu'habituellement, ces artistes-là, ils la portent une fois, puis ils dépensent des fortunes s'ils les achètent. Puis ils peuvent pas la reporter. Tu sais, il n'y a pas d'autre occasion. C'est vrai. Mais elle, dans son cas, elle a joué dans Wild Side Story, ça se peut-tu? Allô, Mélanie? Mélanie a un problème, là. Mélanie, elle a un problème de son. Et voilà, désolée. Hey, voilà. Ça, c'est moi, ça, qui fais ça. OK, c'est beau. Elle a joué, on a vu un court extrait de West Side Story qui date de 61, je crois. Elle joue là-dedans. Je pense que c'est une latino, hein? Elle est d'origine mexicaine. Oh, je pourrais pas te dire. Moi, j'ai juste regardé la robe. Je suis désolée. OK, c'est vrai. Okay. Donc, t'es une femme à robe. Ben, écoute, oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, OK. Ah. Je l'avoue. Moi, je ne l'ai pas regardé. Les Oscars, j'ose avouer. J'ai vu là la photo de Gal Gadot parce que Pierre en parle, mais sinon, j'aurais pas regardé. Ah ouais. Ah, c'est un film étrange, gagner ça, hein? C'est un film de d'horreur, hein, un monstre qui vient des lagunes. Écoute, ça me faisait penser quand il y avait un film qui sortait dans les années 50 de série B, noir et blanc. Une créature des lagunes qui sortait, puis ça a gagné, ça, ce film-là, c'était épouvantable. Non? The Shape of the Water. Écoute, moi, je suis vraiment inculte cinéma, là. Tu vois, t'aimes pas ouais, ça? Moi aussi, je suis... Yeah, c'est un cinéphile. C'est parce que j'écoute un film un soir, le lendemain, ouais. Demande-moi pas ce que j'ai écouté, là. C'est un divertissement, ça a rentré d'un bar, ça a ressorti de l'autre. Et boy! Oui! C'est pas pareil dans mes notes de cours, je vous jure. Sûr que Pierre, lui, il connaît les répliques par cœur des films. J'ose pas m'avancer sur ce terrain-là. Mais j'ai fait des chroniques, on pourrait peut-être en faire, des chroniques sur l'histoire des sex-symboles au cinéma. Mm-hmm. Intéressant. Kirk Douglas, Marilyn Monroe, Gilles Darnaud, tout ça. J'ai peut-être fait une centaine d'articles là-dessus. Là. Mm. Fait que ici, peut-être que l'année prochaine, tu pourras débuter. Dans un esprit. Je pourrais, mais je voulais parler de la vie sexuelle de Napoléon que j'ai faite en 3 articles, mais je pense que peut-être, on pourrait peut-être, oui, passer ça. La question des histoires de sex symboles, oui, c'est ça. Oui, Anthony? Ben, je veux dire, justement, si tu es prêt, on pourrait peut-être même glisser langoureusement vers ta chronique. On pourrait KYZ. Le sujet, OK. Le sujet, donc c'est parti. Mais, alors ça, c'est cool, ça. Ah oui, ben je te le laisse en fond, tiens. Tu OK, mais c'est le plus drôle, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Ça, c'est la date de 71, là. Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone. La Clint Eastwood qui était là-dedans. Mm-hmm. T'as pas connu ça, toi, hein? Bon, je l'ai vu deux fois, là, okay. Mais... Je vais faire la suite de Kingsley, mais l'affaire, c'est que les deux articles la semaine passée, puis c'est cette semaine, je les avais fait en l'espace de, quelques temps, et je trouvais que le deuxième reprenait les mêmes choses que... la semaine passée, mais là, je vais faire Kingsley, le film. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, Kingsley, le film. Mais écoute, moi, je m'en souviendrai déjà plus, de toute façon. Ah, oh, c'est vrai, tu ne regardes pas tes films. C'était pas King Kong, ton film? Non, c'est... Et bon, c'est ça, le fait d'avoir KYC-isé le cerveau, hein. Je veux dire, ça rentre ça sort. Correct, OK. Mais au moins, ça fait pas mal. Ah oui, ça fait drôle. Ça fait... Donc, je regarde Mélanie à sourire avec un gros smile. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous raconter. Fait que... Ah, je pensais que c'est parce que tu penses au Kiwi. Oh, quand même, Anthony, arrête, là. Ah, je l'ai dit, je t'ai pas encore maintenant. Pas que ça en vient, c'est... C'est la fête du chocolat, c'est des petits lapins. Des petits lapins? Pour toi, mais comme néophyte, comme les gens de culture, c'est plus que ça. Ah oui? Vas-y. C'est la fête... Non, c'est pas la fête, mais on célèbre la mort de... Mais sa résurrection! Notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons, qu'il sait avec qui je suis, avec des impurs ici. On fête sa résurrection, s'il vous plaît. La mort, il n'y a rien de fun là-dedans, là. On fête sa mort, hey. Pour les satanistes, peut-être. Non, non, ah, peut-être. C'est un genre c'est un signe gothique. Hein? Ouais, ouais, ouais. Je m'habille tout le temps en noir. Et, OK. Fait que, Kenzie, j'ai fait aussi un article sur Marie-Madeleine. Hein? Fait que, peut-être que je vais passer ça. Marie-Madeleine. Elle avait toujours la bouche pleine. Des paroles de Jésus. Oh my God! Oh, non, non, non, non, non. Oh my God! Hein? OK. Fait que, Kenzie, tu vas traumatiser mes oreilles chastes ce matin, là. OK, suivant une production musicale... Pas mal juste le bout qui est chaste chez Natacha, c'est ses oreilles. Oh le, my le God! Le bout qui est chaste, Natacha? Pardon? Oh non, laisse faire, c'est ça. Hey, puis c'est quoi tu voulais dire au sujet de Kingsley, là? Ben oui, c'est parce que là, on m'interrompt. Ben oui. On fait du sabotage radiophonique, hein? OK, suivant une production musicale intitulée Kingsley, qui fut présentée avec succès à Chicago... en 2003, et à Broadway en 2005. Imagine, ça a passé à Broadway en 2005. Le film, t'as entendu, Kingsley, sorti sur nos écrans en novembre 2004. Hein? Vous étiez pas né, je pense. À 2004? Ouais. 2004, oui. Le film, tu... non, mais on me regarde d'un genre... Ah oui? Hein? OK, fait que le film fut disponible en format DVD début mai 2005. Ce drame érotico-biographique a été écrit et réalisé par le talentueux Bill Condon. C'est un nom prédestiné pour un tel film, hein? Non, mais c'est pas sérieux, c'est vraiment son nom. Non, non, c'est Bill Condon, C-O-N-D-O-N. Ah, ben, coudonc. On va kiwakiser, là, évidemment, le film, encore une fois. D'accord. C'est un film qui va rester dans les annales. Oh! Ah. En tout cas, il est bien protégé. Hey, continuons. Non, j'ai des esprits vides, moi. Là, la relâche, hein, c'est non, ça? Non, la relâche. On relâche les sphincters, hein, OK? Ben, les sphincters de l'esprit. Ben, non, faut mais que je te relâche un peu, parce non, que j'ai dit que ouais, je te garantis que... Je suis entouré de gens intellectuels de haut niveau, là, vraiment. De haut niveau. En plus, ça passe à... Il y a des gens qui m'écoutent en Europe, OK? Ben oui, okay. Eux autres aussi, il faut qu'ils se... Fait que bon, non, OK, on va arrêter. Ils doivent détendre leurs sphincters, eux aussi. Les enfants aussi pourraient écouter, on s'entend. Ben oui, ben ça va les éduquer. Hein? OK, d'accord. Ils vont savoir à quoi servent un condom, puis le qui, ouais. OK, donc condom étant aussi un nom de famille, c'est ce qu'on comprend. Ouais, voilà. Ouais, c'est merci ça. De nous rappeler à l'ordre, Mélanie. J'essaie. Ah, OK, fait que donc, c'est un film sur la vie et l'œuvre du auteur Kingsley, premier sex professor. Sex professor? Ouais, c'est ça, professeur du sexe. On avait compris. Tu parles anglais, tu parles cette langue-là, toi, hein? OK. Moi, je parle toutes les langues. Ouais. J'ai une autre joke à faire. Là, non, non, vas-y, on est là-dedans. La tâche est excellente avec sa langue. Oui, en bon. Langue, hein? Oh, boy. OK, là, bon, c'est... Bon, oui, il faut bon. Que je lâche notre tâche. Réputé... S'il vous plaît. Non, OK, on va arrêter, là. Réputé pour avoir été le premier à quantifier avec une approche scientifique les comportements sexuels des individus dans les années 40 et 50, interprété principalement par Liam Neeson, qui faisait Albert Kingsley, et Laura Linney, Clara McKillen. McKillen, Clara, là, j'ai parlé de elle, hein, c'était son épouse, hein, puis je disais que j'ai vu une photo d'elle la semaine passée, puis c'était épouvantable, en tout cas. Sans oublier la performance de Chris O'Donnell, qui faisait Harold Pomeroy, de Peter Sandgold, Clive Martin, qui était l'amant du auteur Kingsley, et de Timothy Hutton, Paul Gibbard. Le film nous transporte dans une époque pas si lointaine où notre célèbre pionnier et ses fidèles acolytes essayèrent d'ouvrir un champ nouveau d'intérêt scientifique au niveau des sciences humaines, qui est le domaine de la sexologie. C'est correct? Oui. C'est parce que là, tu veux qu'on t'interrompe? Non, mais il y en a qui textent, hein? Il y en a qui textent. Puis, moi, je te regardais. Non, non, on me regarde, mais Mélanie, elle regarde son ordi. Oui, c'est lié à Kinsey, justement. Oui, moi, je prends des notes. Je t'écoute, j'essaie. Non, c'est correct, hein? Je suis collé, quand... On prend des notes, c'est pouvant. Écoute, quand on t'interrompt, tu chiales, puis tu chiales quand on ne t'interrompt pas. C'est parce que quand tu me regardes... C'est pas drôle d'être vieux, hein? Le nom de la gueule après ça. Quand tu me regardes, je sais que tu as un intérêt mordant à pouvoir boire mes paroles et à écouter ce que je dis. Comme dans tes cours, Pierre. Arrête, Natacha, je pleure. Je suis ému, Natacha, de ça. Mais honnêtement, ça me manque, tes cours. Tu veux dire? Oui. Aussi, ça me manque. Vraiment, c'est intéressant. Oui. OK. Entouré d'une équipe dynamique d'hommes et de femmes qui sont devenus au fil du temps des fidèles collaborateurs et par la suite des amis intimes, et même sexuels dans certains cas, du couple ouvert et émancipé que forma Albert Kingsley et Clara McKillen, Le film nous démontre très bien qui ceux-ci étaient prêts à tout faire pour vivre leur passion, non seulement jusqu'aux simples satisfactions cérébrales, mais allant jusqu'au tout profond d'une jouissance corporelle orgasmique, expérimentant et confirmant ce qu'ils venaient de trouver la veille à travers de recherches très excitantes. Et bon, il y a une longue la phrase, hein? Continue, on t'écoute. Ah non, ben je prends mon répit, là. Oui, parce que j'en reviens pas, j'ai écrit ça. Le film raconte l'enfance de cet homme, de son milieu éducationnel et de ses parents, de la rencontre avec sa Clara, de sa vie intime, de ses escapades sexuelles et comment il a recruté les membres de son équipe. On voit aussi le contexte social et politique du temps dans lequel la sexologie en tant que science statistique s'est formée. Bon. Également, le film nous montre les grands moments de succès, de désolation de ce personnage qui fut l'un des plus significatifs de son siècle dans le domaine de la sexologie. OK. Fait que, donc, ça, c'est là que j'ai commencé par la fin. Je peux commencer par le début. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, c'est sûr. Okay. Est-ce que tu nous as dit que c'était basé sur quelque chose de vrai? Oui, Kinsey. Non, mais je me demandais voir si c'est non, un Pierre, personnage Pierre non, mais tout fictif, ça. Monsieur le docteur Kinsey, ou s'il a déjà existé sincèrement, là. Je pense que implicitement, Pierre veut dire oui. D'accord. Ben, disons, c'est le père de la sexologie moderne. C'est lui qui a écrit les rapports Kinsey. Ah! 1748 et 53. Rapport Inculte que je suis. C'est ça, c'est comme le si regard. Tu connais pas Freud en psychologie. C'est le comparatif. Ben, écoute, non, mais sachez que je ne suis pas la seule qui écoute cette radio, hein? Ben, écoute, on va éduquer nos chers auditeurs avec Kinsey. Regarde Kinsey, Alfred Kinsey. Oui. Sexologue. Regarde sur le net, puis tu vas voir sa face. Certainement. Oh, d'accord. Je ne verrai pas juste la face de l'acteur. D'accord. Non, ça se peut que tu vois d'autres choses. Tu n'étais pas là la semaine passée quand j'ai dit qu'il se mettait des brosses à dents et des cure-pipes dans son urètre? Non, j'étais partie déjà pour mon examen. C'est vrai? Oui. Et elle s'est bouchée les oreilles tout le long du voyage. Parce que comme, en fin de compte, on a connu de lui ces choses-là. On a un auditeur qui nous dit ça paraît qu'elle n'a pas écouté ce que vous disiez la semaine passée. Mais désolée, j'étais déjà partie pour mon examen. Non, je vais m'en faire... Bon. Est-ce que ton examen a été un succès? Et j'ai hâte d'avoir le résultat. Ah, okay, désolée. Ça s'est bien passé? Moyennement, je pense. Mais bon, on en reparlera plus tard. Okay, c'est bon. Mais si j'ai encore du temps, je peux y aller. J'ai encore 400 pages là-dessus. Ah, ben 400 pages, j'avais quand même. Hein. On va faire un cas interrompu, par contre. Vas-y, Pierre. Lance-nous, balance-nous tout ce que tu as à nous balancer. Non, mais c'est parce que je suis tellement ému, là. Je m'excuse, Pierre. Je suis tellement ému, j'ai envie de drailler. OK. Alfred Kinsey est né le 23 juin 1894 dans la petite ville de Hoboken, dans le New Jersey. C'est pas là, New York, en passant. Il a entrepris des études doctorales en biologie à l'Université Harvard et reçu son diplôme en 1919. Ah, bientôt, c'est l'année prochaine, 2019, fait 100 ans. À août 1920, il est engagé à l'Université de l'Indiana comme professeur et a acquis une solide réputation comme chercheur. La prestigieuse et sélective American Men of Science se désigna en 1937 comme l'un des scientifiques les plus compétents dans son domaine. L'année suivante, soit en 1738, on lui demanda de coordonner à nouveau des cours de l'Université d'Indiana qui se rapportaient sur la thématique du mariage. Ah! Du mariage! Le fameux mariage! C'est qu'accepté avec joie! OK. Par contre, Kinsey avait un défi à relever qu'il n'avait pas pris la peine d'évaluer lors de l'acceptation de cette offre. À l'intérieur de ses cours, plusieurs personnes lui demandaient si tel comportement sexuel était d'une nature normale ou déviante. Intéressant. L'un des premiers étonnements de Kinsey lorsqu'il fit ses recherches a été de constater qu'il n'existait pas d'études statistiques et scientifiques des comportements sexuels qui puissent valider ou corroborer les affirmations et les théories du sujet qu'il devait enseigner. Fait que c'est ce qui l'a poussé à faire des études sur le sujet. Oui. Ça a donc bien du sens. Et elle s'est repoussée par derrière. Du au mariage, quand même. Il lui fallait des faits, puisque ceux-ci n'existaient pas, il décidait de les établir lui-même. Ah, ben oui. Que donc ça? Utilisant les mêmes méthodes que pour recueillir des données zoologiques, il commença par interroger un petit nombre de sujets volontaires, mettant au point peu à peu sa technique. Excusez, parce que j'ai des fautes. OK. nos auditeurs c'est les ont tellement pas vu. Exactement ce que je m'en allais dire. Nos auditeurs sont contre-fous de tes fautes. Ben non, savais... ben c'est parce que bon, j'espère qu'ils savaient que... Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec tes feuilles après si tu corriges les fautes? C'est quoi, tu les gardes dans un fichier? Oui, pour pouvoir les publier dans un mémoire. Ah! Tu peux peut-être lire ça, toi, des fois. Quoi ça? Je vais faire un livre avec tes feuilles, puis comme livre non, de chevet. Attendez, je te les envoie des fois, puis tu pourrais peut-être lire ça à des gens qui sont intéressés par le sujet qu'on touche la sexologie. Écoute, okay. Je pourrais lire ça à ma fiole comme oui, pour faire la lecture. Un soir pour endormir les enfants. Oui, oui, oui. Au lieu de conter d'histoires affreuses comme les trois petits cochons ou. Les trois ours avec... Ça dépend si on la modifie ou Blanche-Neige. Mais clairement, ça pourrait... Blanche-Neige, puis sept de base, moi, c'était ça, hein? Les contes pour enfants, c'était pour des... Elle s'endort quand je la berce. Non, mais, pas écoute, besoin de compter si Natacha, elle ne va pas compter Blanche-Neige et les sept nains. Elle va compter, Natacha, Blanc-Neige et les sept naines. Ou Blanche-Neige et les sept mains, c'est une autre histoire. Imaginez Blanc-Neige, le gars qui fait Blanc-Neige. Blanc-Neige. Qu'est-ce que Kinsey penserait de ça? Est-ce que c'est déviant? Avec ses brosses à dents dans l'urètre, je pense qu'il n'est pas placé pour parler. Et des curtips aussi, hein? Mais là, attends, là, on lui a quand même donné la mission, ou il s'est donné la mission, ce gars-là, de vérifier qu'est-ce qui était déviant puis qu'est-ce qui l'était pas. Alors là. Que lui-même était déviant. Mais je pense que les gens qui s'intéressent le plus à ça... C'est ceux qui ont une petite déviance eux-mêmes. Ben non, Natacha. Quoi? Ben voyons donc. Mais quoi? À la sexologie ou au sexe en général? Ok, je continue la gang. Okay. Ceux qui s'intéressent aux déviances sexuelles parce qu'ils se connaissent quand même un peu. T'es en train de me dire que Christian Joyal est. T'es un professeur émérite à l'UQTR. Pourquoi nommer des noms? Parce que c'est celui qui donne le cours de déviance. Écoute, à l'UQTR. Moi, je crois sincèrement que quand tu t'intéresses à quelque chose d'aussi précis et d'aussi tordu. T'as un petit côté tordu en toi. Non? C'est à vérifier. Toi, personnellement, non? T'as pas cette... Moi, je suis missionnaire par-dessus missionnaire. Écoute, toi, c'est pas de sexe avant le mariage. Non, moi, c'est pas de sexe avant, pendant et après le mariage. Ah, mon Dieu. Communication FEPTR. Guy Corneau parle de la profession de thérapeute, OK? Et justement... C'est ce qu'il dit. Il dit, pour être thérapeute, il faut que tu aies du vécu. Peut-être que... Moi, je trouve que ça c'est lié. Du vécu, oui, oui. Oui, absolument. Bien, du vécu, puis des questions par rapport à toi-même. OK. Mais c'est comme... On va laisser Pierre faire ça. Mais c'est comme en toxicomanie, quelqu'un qui n'a jamais consommé, je pense qu'il est moins apte à pouvoir aider ces gens-là. Bon, bien, avis à tous les étudiants en toxicomanie. Non, mais... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Que... Ça va coûter cher, en fait, ça m'a. Non, mais oui, tu peux avoir beaucoup de théories, tu peux avoir étudié là-dedans, mais il n'y a rien qui fait aussi bien que si tu as le vécu. Ben, c'est pour ça que je me dirige en sexologie. C'est quand même plus fun, mais ça coûte moins cher. Sur le portefeuille. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Natacha. Hey, quoique. Vous riez de moi, là. Non. Mais c'est comme un psychologue qui n'a jamais... Et t'es fou? Non, qui n'a jamais lui-même... Merci de me couper comme ça. Qui n'a jamais consulté lui-même de psychologue, tu sais. Je pense que... Bref, vous riez de moi. Non. Je te laisse continuer. OK. Mélanie dit non. Moi, je dis oui, clairement. Je ris de Natacha à ma tête. Vous riez toujours de moi. Non, on ne rit pas de toi. Non, des fois, on rit de Pierre aussi. Maman, on dit... Moi, j'ai envie de dire, c'est de Kinsey, là, qu'on est en train de se moquer un peu. Parce qu'on dérape, hein? Un peu. On est sur KY pas mal. Dans ses questionnaires, il met l'accent sur les fréquences, les intensités et les durées des activités sexuelles. L'une de ses préoccupations de Kinsey était... de mesurer, de quantifier tous les comportements observés dans ces moindres détails afin que puissent apparaître les multiples voies de la sexualité humaine à travers une approche strictement scientifique. Kinsey voulait aussi vérifier les réponses aux nombreuses questions que ses étudiants lui posaient et qu'il se posait lui-même. Hein? Je veux dire, c'est quand même... Voilà. Okay. Absolument. Les relations sexuelles hors mariage compromettent-elles les chances du bonheur conjugal? Est-ce que l'activité sexuelle masturbatoire rend les gens idiots, fous et déments? Oh. Dans mon cas, c'est plus c'est fou. C'est à ce moment que se donna la mission là est la question. Beaucoup plus en profondeur. Fait qu'on sait c'est quoi ton problème qui te rend du fou, Pierre? Oui. Attends un peu, il n'a pas confirmé, par exemple, là. Ben, j'ai pas fini, là. OK, c'est... il y a une ambition d'introspecter beaucoup plus en profondeur les notions d'intérêt de la notion sexuelle d'un individu. Et deuxième page. Donc, il en a rencontré plusieurs, j'imagine? Oui. Il a pris des témoignages? Oui. OK. C'était combien on avait dit la semaine passée? C'était pas 5 000 hommes, 4 000 femmes? Wow! Quelque chose comme 5800, ça. À l'époque. C'est une... Ben, 5 800 ouais, femmes. Mais il y a plus de femmes. 5 800 femmes puis 5 000 hommes. Faut dire que c'est la plupart des travailleurs du sexe. Oh! Oui, mais il y avait des gens... Parce qu'il fallait que ça soit des gens très ouverts d'esprit. Puis à cette époque-là... Effectivement. C'était pas... Il y avait des prostituées, oui. Mais il y avait aussi des gens de l'armée, hein? Oui. Parce que c'était confidentiel. C'était les deux types de clients. Okay. Puis plus facile pour aller chercher de l'information, c'était dans l'armée, hein? Parce que c'était confidentiel, puis il y avait son bassin de population, tu sais. Mm-hmm. OK. Qu'est-ce que je peux dire, mon Dieu, je suis déjà mêlé. Au début des années 40, vu le succès de ses cours, de ses conférences sur le mariage et sur la sexualité, les instances de l'Université d'Indiana lui donnèrent le choix. Soit de continuer à donner des cours sur le mariage, ou bien soit aller de l'avant avec un projet de recherche sur le comportement sexuel. C'est donc en pleine Seconde Guerre mondiale que fut fondée avec l'aide de la National Research Council. OK. Le bruit de tes feuilles, c'est toujours aussi réconfortant, Pierre. C'est excitant pour toi, hein? Je pense que oui. OK. OK. L'Institut for Sex Research, ça a été fondé dans ce temps-là. L'Institut de la recherche sur le sexe. En 1981, lors du 25e anniversaire du décès du docteur Kinsey, cet établissement de recherche scientifique changea de nom pour devenir le Kinsey Institute of Sex Research. Quand même. OK. Kinsey et son équipe collectaient plus de 13 300 données sur les deux sexes, 5 300 hommes. Ah, OK. Ah, non, c'est pas ça. C'est 5 300 hommes et 8 000 femmes. Des questions étaient posées, cherchant à savoir quelles étaient les attitudes envers le sexe anal, le sexe oral, la masturbation, la bisexualité, l'homosexualité, les ondes érogènes, l'orgasme. Ça, c'est tout ce qui faisait partie de ce questionnaire-là. Oui. En plus, l'extramaritalité, la performance sexuelle, les fantaisies sexuelles, l'activité sexuelle avec une prostituée ou pas. Mais ça, fallait ainsi être que vraiment les pratiques sadomasochistes. On vraiment est ouvert d'esprit, là. Fallait avoir une vision sur la sexualité vraiment ouverte parce qu'il n'y avait pas de Google, de YouPorn aussi accessible. Ouais, ben, il n'y a pas d'Internet, mais l'affaire, c'est s'est basé aussi sur des études. Que les gens qui pratiquaient ça, c'est de l'essai-erreur qu'ils ont fait de leur propre expérience. Ouais, ouais, ouais. Parce que dans ces années-là, même les magazines pornographiques, s'il y en avait... Oui, il y en avait. Mais c'était pas aussi... Était, comme des films pornographiques, les premiers ont sorti en 1910. Oui, mais ça devait pas être aussi... il devait pas avoir de BDSM ou des choses aussi tordues. C'est assez spécial, Natacha. Moi-même, j'en ai vu quelques-uns. Je serais vraiment curieuse de voir ce qu'il y avait dans ces revues-là. Mais les revues étaient dans un papier genre cellophane jaune. On vendait ça comme ça. Bien, c'est ce que tu me parlais la semaine dernière. Oui, la semaine passée. Et quand le gars prenait ça pour, tu sais, le passer au magasin, il se faisait regarder. Hein, c'est sûr. L'enveloppe jaune, tout le monde savait ce qu'il y avait dedans. Bien, c'était du monde tout nu, évidemment. Bon, OK. Non, mais c'est, écoute, il y avait des articles qui ont été faits, des recherches qui ont été faites par, admettons, Van Krapp et Bing, des années 1860. Sur ça sèche ma soche aussi, ça j'en ai parlé l'année passée. Les gens qui sont allés introspecter en fin de compte la sexualité, Natacha, la sexualité, admettons, BDSM ou voyeuriste, des choses comme ça. Et il y avait quand même, on pense que des années 40, il n'y avait rien, mais il fallait savoir que dans un certain domaine X, surtout des recherches européennes, qu'il y avait des choses qui existaient. Hein. Bon, en 1948, l'équipe Kinsey publiait le roman sexuel chez l'homme qui nous a grandement enseigné sur les relations sexuelles dans le mariage, les pulsions homosexuelles et les activités sexuelles masturbatoires et la gente masculine. Statistiquement, on a su que 96% des hommes avouaient s'en donner de façon quotidienne à des activités sexuelles masturbatoires, que 10% des hommes se déclaraient exclusivement homosexuels, que 50% des hommes interrogés avouaient n'être pas exclusivement hétérosexuels, mais que 37% des hommes avaient déjà eu au moins une expérience homosexuelle à l'âge jusqu'à l'orgasme. Attends, faut pas oublier que l'échelle... T'as été trop vite, là. Oui, mais c'est parce que j'ai que le temps précoce moi-même, étant donné que je vais trop vite. Mais l'affaire, quoi, aussi, Natacha... C'est que j'ai même pas le temps d'absorber tes paroles, Pierre! De goûter mes paroles! Mets les mains jointes et exclame-toi, « Seigneur, je veux entendre tes paroles. » OK, oui, OK, c'est quoi que tu veux savoir, moi? Surtout qu'il te reste à peu près 25 secondes à... C'est correct. C'est quoi que tu veux savoir? Ben non, mais j'étais curieuse de savoir le premier chiffre avec les proportions de masturbation. 96% des hommes voient ça donner ben de façon quotidienne. 96? 96, oui. Crois-tu vraiment que c'est pas 100%? Non, moi, je pense que c'est 96. Ouais, puis même peut-être un peu moins, peut-être. C'est correct. Peut-être un peu moins. Il y a des gens moins pervers que nous. Absolument. OK. Que chez la femme, je vais finir avec ça. On nous apprend que Michel Kinsey était... C'est lui qui l'a fait en 48, Michel Kinsey, hein? Mm-hmm. Ouais. OK, bon. Attends, je vais finir, Mélanie. Concernant le rapport sexuel chez la femme, on apprend que les femmes étaient capables d'orgasmes multiples. Ah. Que les zones internes profondes du vagin étaient plus sensibles à l'excitation. Alors, c'est là seulement 14% des femmes interrogées avouaient avoir une sensibilité vaginale, donc dans le rapport sexuel, peu importe leur orientation sexuelle. 45% des femmes s'adonnaient quotidiennement à des activités sexuelles masturbatoires. 85% d'attache à 85%. Et que 28% de celles-ci avouaient avoir une expérience homosexuelle avant l'âge de 45 ans, et cela peu importe l'orientation sexuelle. Bon. Je n'ai pas déjà fini. Ben, moi, je dirais que... Est-ce que je peux finir mon paragraphe? Non, too late. Et ça, c'est Bugs Bunny? C'est la fin de Bugs Bunny, en effet. Je peux même te la faire jouer, si tu veux. Oui, non. Non, mais 85%, ils disaient dans ce temps-là que 85% des femmes, par rapport aux hommes, se masturbaient quotidiennement. Moi, je pense qu'ils mentaient. Ben moi, je pense que les gens auprès de qui ils faisaient ces questionnaires étaient peut-être... Il y avait peut-être un biais là-dedans, là. Et vous, écoute, c'est un besoin naturel, hein, qu'il y a des jeunes enfants qui, en faisant du vélo, ils éprouvent, tu sais, du plaisir. Et d'autres, non. Oui, mais... Moi, là-dessus, je vous dis, on va à la pause et on revient. Tu veux avoir du sexe plein les oreilles? Reviens-nous à C'est fou le sexe, sur les ondes de C'est fou 89.1. De retour à C'est fou le sexe, ce matin on a un invité tout spécial, une invitée qu'on a au bout du fil en ce moment, il s'agit de Mel Goyer, Mel Goyer, qui est la créatrice et la productrice du Festival de Montréal. Bonjour Mel! Bonjour Anthony, ça va bien? Ça va très très bien, merci beaucoup. Écoute... OK, rapidement, mais qu'est-ce que le festival? Je pense qu'il y a plein de gens à la maison qui s'interrogent sur ce fait-là. C'est le un festival. Nom qui surprend oui. Déjà. C'est un mot qui se veut vraiment cru, un mix entre festival et vulve. Donc, le festival de la vulve qui va avoir lieu le 9 et le 10 juin, donc sur 2 jours complets de 10h à 8h. C'est un événement qui se veut créatif, artistique, inclusif, positif, festif surtout. C'est important de célébrer nos vulves et puis surtout avec une mission bien éducative de conscientisation, de sensibilisation. En résumé, là, c'est ça. OK. Mais comme tu disais, c'est inclusif, donc dans une certaine mesure, les hommes sont invités. Certainement qu'ils sont invités, ça serait du plat de faire un party juste de filles. Tout le monde est bienvenu, c'est même gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, on peut venir festivulver en famille. Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. Quand même. Donc, pour les enfants aussi. C'est bien, oui. Festivulver, c'est quand même assez... Est-ce que ça va être la première édition cette année? Oui, la première édition, on est super fébrile. Moi, honnêtement, je m'attendais pas à cette ampleur-là. Je pensais créer un petit événement underground avec une centaine de personnes. Puis là, le lendemain que j'ai lancé l'événement sur Facebook, il y avait déjà 3500 personnes d'intéressées. Puis j'ai fait « Oh my God, dans quoi je viens de m'embarquer? » Fait qu'il y a vraiment un engouement intéressant. Là, on est rendu presque à... On a dépassé 6000 de personnes, donc... Ça risque d'être vraiment, vraiment le fun comme première édition. Puis, d'où vous est venue l'idée du festival? Je me fais toujours poser la question. Puis, honnêtement, ça fait longtemps que bon, je travaille pour bénévolement pour le Vagin Connaisseur. Puis, autant pour le Vagin Connaisseur que le festival, c'est deux mots qui me sont apparus comme ça. Puis, j'ai décidé de broder autour. Fouille-moi de où est venue l'inspiration du mot festival. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle comme mot, tellement festif, accessible. Tu sais, on n'est pas dans le yoni ou dans... On est vraiment dans le direct, là, festival. Fait que je disais, c'est trop drôle pour ne pas faire un événement autour de ça. Fait ouais, que mais... le mot est apparu, puis décidé de broder autour. Mais pourquoi pas festivagin? Pourquoi pas festivagin? Parce que, justement, je trouve qu'il y a un je vais pas dire un problème, je vais dire un défi... avec le mot vulve, parce que souvent, si je montre une photo de vulve aux gens, puis femmes et hommes confondus, là, je vais dire, c'est quoi ça? Puis 90% des gens vont me dire, ben, c'est un vagin. Quand dans le fond, un vagin, on le voit à travers un spéculum, c'est comme le tube à l'intérieur, là, je l'appelle, il y en a qui seront pas contents, mais je l'appelle un peu le réceptacle à pénis, là, tu sais, dans le sens que c'est pas ça qu'on voit de l'extérieur. Puis c'est vraiment le mot vagin, là, super populaire dans les moteurs de recherche. Mais ça veut pas désigner ces deux parties vraiment différentes du corps humain. Donc, ce que je veux mettre de l'avant, c'est pas les vagins. C'est vraiment les vulves. Le poil, les lèvres, le clitoris, tout ça. Tu sais, c'est ça qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, on va utiliser le bon mot, puis on va parler de vulve. Merci. Je suis contente que vous en ayez parlé, parce que, dans le fond, je savais que vous le faisiez, la distinction, là, clairement, puis que ça faisait partie aussi de l'objectif, là. Ouais. Mais je l'ai appris à 34 ans, puis pourtant, j'ai suivi des cours de sexologie à l'université dans ma vingtaine. J'ai rencontré un infirmier dernièrement qui me disait « Mel, je savais même pas c'était quoi la différence entre les deux ». Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont même pas au courant qu'il y a une différence entre vagin et vulve. Parce qu'à l'école, on nous dit, ben, les petits garçons, ils ont un pénis, les petites filles, ont un vagin. Jamais on va nous parler de vulve. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui méprennent les deux. Fait que même moi, je peux pas me vanter, ouais, je le savais depuis longtemps. Et non, je l'ai vraiment appris dernièrement, tu sais, il y a quelques années. Fait que je trouvais ça important de mettre le mot vulve en avant. OK. Merci. Ben justement, la vulve, c'est la partie qui se tente aussi, hein, je veux dire. Mais c'est l'ouverture, c'est un peu comme la devanture d'une maison. Les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris, c'est quand même là où le plaisir peut commencer, là. Oui, puis c'est triste qu'on n'en parle pas à l'école. On nous parle de consentement, de protection, de reproduction, mais on va pas aborder le plaisir, puis on va surtout pas aborder la diversité naturelle des vulves. Tu sais, ce qu'on voit, c'est souvent une vulve pornographique, c'est-à-dire lisse, imberbe, on dirait une vulve de Barbie, limite d'enfant, là. Fait que là, les femmes, on se compare, tu sais, puis... Moi, jusqu'à dernièrement, encore là, je pensais que toutes les vulves ressemblaient à ma vulve. Fait que là, je me suis dit, hey, à part les vulves pornographiques là, qui sont toutes remodelées, ben non, on a toutes des vulves vraiment différentes, de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, puis je trouvais ça important de mettre ça de l'avant. Puis, à votre festival, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Ben beaucoup de choses. Il va y avoir des ateliers... Ça, c'est des ateliers entre 30 minutes et une heure. Il y a toutes sortes d'affaires, autant des initiations burlesques, des ateliers d'écriture. Vraiment, ça va être pour faire participer les gens. Ensuite, il va y avoir des conférences avec une mission plus de sensibilisation, d'éducation. Où est-ce qu'il va y avoir des témoignages, des femmes trans, des femmes qui sont atteintes de vestibulite, des femmes... toutes sortes d'histoires, aussi des vraiment des professionnels qui viennent aborder, mettons, la méthode symptothermique de contraception naturelle. Écoute, je ne veux pas tout dévoiler de la programmation parce qu'elle sort le 21 mars, mais oui. On va retrouver aussi des spectacles, tout vulvement pertinents, comme les monologues du vagin vont être là, du slam, du chant. Puis il y a le vulvaboot. Ça fait bien jaser, le vulvaboot. C'est un espace intime qui va rendre hommage justement à la diversité. On va pouvoir regarder sa propre vulve en privé. Il n'y a pas d'exhibition là, OK? C'est vraiment pas l'idée, là. C'est de pouvoir se regarder dans un miroir ou la faire photographier par un professionnel ou la faire mouler, encore là, par d'autres professionnels. J'ai vu les résultats. C'est tellement beau. Donc, je trouvais ça important de donner cette opportunité-là, parce que c'est rare qu'on voit des endroits où est-ce qu'on peut faire mouler sa vulve. Mais honnêtement, moi, j'ai tellement hâte d'aller voir ça live. J'attends avec impatience votre programmation. Yes. Puis ce qui est fun aussi, c'est qu'il y a un billet pour la fin de semaine, mais il y a des exposants. Puis il y avait tellement de candidatures, ça a tellement été difficile de faire des choix. Fait que j'ai décidé de ne pas mettre le même exposant deux jours. Donc, les exposants qui vont être là le samedi ne seront pas là le dimanche. Fait que vraiment, ça vaut la peine de venir les deux journées parce qu'il va y avoir vraiment là, du choix, là, mais pour tous ça les goûts, toutes sortes d'affaires à les deux journées. Oui, vraiment. Une petite question, à quel endroit ça se passe, ça, évidemment? C'est à Montréal, mais là, c'est où ça se passe, effectivement? Ben, on a eu un beau défi à trouver une salle. Hein, quand j'ai vu qu'il y avait 5000 personnes d'intéressées, je me suis dit, OK, la petite salle que j'avais trouvée ne fera pas l'affaire. J'ai appelé une cinquantaine de salles. Puis je me suis fait dire non, je te dirais 48 fois sur 50. Dû au sujet de votre festival? Ouais, dû au nom, dû... puis c'est, des fois, c'était direct, genre, on veut pas s'associer à ça. Puis c'est des fois, fou, c'était hein? plus subtil... Ah, ben on a des dates disponibles. Oui, c'est quoi votre événement? Ah, finalement, hey, désolé, on n'a pas de date, tu sais, comme subtil comme ça. En 2018, qu'il y a des gens ouais. fermés comme ça, je trouve ça assez... Ce serait la majorité oh qui serait fermée. C'est spécial, hein, mais là, il y a le Loft Hotel, c'est Nathalie Berry, c'est en fait, en plus, j'étais vraiment contente parce que c'est une femme, la directrice des ventes, qui nous a ouvert la porte, puis quand on rentre dans l'hôtel, c'est tellement beau. Il y a une espèce de grosse toile immense. C'est comme Adam et Ève. Là, ils sont les deux nus avec une petite feuille. Là, je trouvais donc que c'était tellement pertinent comme endroit. C'est beau, c'est élégant. On a quatre salles en plus qui nous ont on a louées vraiment pour avoir des sections particulières, exposants, ateliers, conférences. Le lounge aussi, il va avoir des DJ sur place. Plein de DJ qui vont mettre de la musique. Ça va vraiment être un bel événement. Là. Fait qu'au Loft Hotel... 314 Sherbrooke, juste sur le coin de Saint-Denis. Fait que c'est super accessible. Ah, puis le coût pour se rendre à votre événement? Ben, c'est 25$ pour le week-end au complet. Okay. Là, c'est les taxes incluses, tout le kit. Ou 15,95 par journée, taxes incluses aussi. C'est vraiment pas cher. L'idée, c'est de rendre ça abordable pour que, justement, tout le monde puisse venir festivulver avec nous. Et pour les enfants, est-ce que c'est le même tarif? Mais c'est ça, c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Okay. Puis après ça, ben oui, ça devient le même tarif. Ah, intéressant. Est-ce qu'il y avait une prévente? Une prévente. Ben en fait, ce qu'on offre, c'est avant le 21 mars, ceux et celles, moi je dis ceux qui vont acheter un billet avant même de connaître la programmation qui va être lancée à l'espace public, rebaptisé l'espace Pubis pour l'occasion. Oh. Ben, eux autres, ils ont une chance de gagner un Kegel avec application de Miss VV. C'est elle qui l'a inventé, ce Kegel-là. Il se contrôle avec une app. C'est vraiment spécial. Ça a une valeur de 169$ plus taxes. Fait que toutes les gens qui vont acheter des billets avant, ben, leur nom se retrouve dans un petit chapeau, là. Puis on va faire le tirage le 21 mars à l'espace public. Bon, mais on va tous se pitcher pour en acheter puis essayer de gagner cette fameuse... Le Kegel en question. Natacha n'a même pas fait sa chronique, elle est déjà rendue sur le bord de la porte. On peut les acheter. Moi, c'est sûr que je vais y aller puis je vais vous faire un compte rendu. Oui. Fait que peut-être qu'on pourrait se rencontrer lors de votre événement. Ben, j'aimerais ça, certains. Puis ceux et celles qui veulent acheter des billets avant sont déjà en vente au festival.com. C'est une belle occasion de gagner ce beau Kegel-là qui vaut la peine. Ça s'appelle le Miss on the Go. Miss on the Go. J'adore le nom. Mélanie va mettre le lien vers votre page sur notre page Facebook. Excellent. Merveilleux. Oui. Moi, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à vous. Mais qui êtes-vous dans la vie ou qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous a amené justement pas pas nécessaire, mais à vous intéresser à la sexualité, à la sexualité féminine? Ben, la sexualité at large, ça m'a toujours intéressée. Moi, j'ai commencé ma sexualité très, très, très jeune. Et puis, je déplore un peu qu'on l'aborde pas plus jeune dans les écoles parce que je pense que si j'avais eu des réponses à mes questions, tu sais, on s'entend, je veux pas mettre le blâme du tout sur ma mère. Ma mère était comme, parle-moi, on va en parler ensemble, mais je sais pas, pour une raison obscure, là, ça me tentait comme pas d'en parler avec ma mère. Puis, je trouve que j'avais beaucoup, beaucoup de questionnements, j'avais une grande curiosité, une soif de savoir. Puis là, ben, c'est par l'expérience. Il y avait aussi le thrill, je dirais, d'être la première à essayer des choses dans ma gang d'amis. Mais ça a été, bon, je regrette pas mon parcours, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais je pense qu'avoir eu plus d'informations, ma curiosité se serait un peu calmée, puis j'aurais pu faire les choses autrement. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai créé le Vagin Connaisseur. Je trouvais que les petites filles, tu sais, on entend des affaires, des fois, c'est pas drôle, là, des concours de fellation, mais puis, tu sais, on regarde aussi comment ils sont habillés, puis je veux pas juger personne, je trouve juste ça triste que pour se mettre en valeur, ben, ils utilisent leur corps, ils utilisent la sexualité. C'est comme d'ouvrir les jambes pour avoir de l'amour. Pour moi, ça me fait de la peine, tu sais, je me dis, on devrait tellement honorer cette partie-là de nous, les femmes d'abord, mais aussi enseigner aux petits gars, aux petites filles, de dire, hey, c'est sacré faire l'amour, tu sais, on peut-tu mettre la communication de l'avant, le respect de l'avant. Donc, mon expérience personnelle m'a amené à m'intéresser, à vouloir propager un message plus inclusif, plus équitable aussi. Tu sais, on parle beaucoup de l'équité entre les filles, mais aussi de parler de l'équité du plaisir. Il n'y a pas juste le consentement, il y a aussi le plaisir équitable. Tu sais, demander la justice intime, l'égalité des jouissances, appelez ça comme vous voulez. Et puis aussi la notion, comme vous l'avez dit très bien, la question du respect. Hein? Oui, le respect du corps de la femme, de la fille. Et avec tout ce qu'on entend ces derniers temps, avec la question des agressions sexuelles, en tout cas, c'est inévitable de passer par le respect corporel là-dedans. Oui, le respect, c'est vraiment important. Puis aussi, c'est parce que il y a tellement de magazines qui nous disent, mettons, je sais pas, 10 façons de faire une bonne fellation, 8 façons de faire un bon cunnilingus. C'est parce qu'il n'y en a pas de règles universelles. Chaque femme, chaque homme aime des choses différentes. Moi, j'ai eu plusieurs partenaires, puis chacun aimait des choses vraiment différentes. Fait que je me dis, puis ils étaient les premiers surpris que moi, j'aime des choses différentes de leur ex-partenaire aussi. Donc, je pense que ceux qui se disent, ben moi, je sais comment faire pour tout le monde, ben ils se tirent dans le pied. D'où l'importance de communiquer. Puis quand on attend que notre partenaire devine ce qu'on aime, ben on peut attendre longtemps. Fait que les gens sont comme gênés, puis ils se disent, ben ils devraient savoir ce que j'aime. Ben non, ils devraient pas savoir. C'est tellement important, la communication entre oui, les deux, là. Vraiment. Puis je pense que c'est ça qu'on devrait enseigner dans les écoles, tu sais, de dire, écoute, si tu parles pas avec ta partenaire, ben ça veut pas dire qu'elle va être satisfaite, là, tu sais, ou satisfait aussi, parce que les hommes, même chose, là, je veux pas juste parler non, des femmes, là. Mais semble que votre nom me dit quoi? Est-ce que vous avez été en sexologie à l'UQAM, vous? J'ai été quelques mois, je dirais, mais en fait, j'aime pas vraiment l'approche académique. Je trouve ça bien spécial. Puis, mais en même temps, je respecte super gros les sexologues. Une chance qu'on en a. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi qu'ils leur donnent pas la job dans les écoles d'aller éduquer les élèves, qui remettent ça sur le dos des profs avec une petite formation d'une fin de semaine. Je veux dire, ces gens-là, ils ont étudié pendant longtemps. Ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience, ils peuvent répondre à des questions précises que les jeunes ont. Puis de plus en plus, avec toute l'identité de genre puis tout ça, ben il y a de plus en plus de questions touchées qu'il faut savoir répondre de façon adéquate. Je pense qu'un prof mal outillé peut faire beaucoup de tort. C'est comme moi, ma prof de cours de sexualité était pré-retraitée. Elle était gênée de dire le mot pénis. L'avoir déroulé un condom sur un pénis en bois, c'était traumatisant plus que d'autres choses. T'sais. Fait qu'elle associait beaucoup ça à la reproduction. Puis on le sentait qu'il y avait beaucoup de jugement. Là, c'est sûr, les profs se sont rajeunis, tout ça. Mais sont pas toutes équipées pour parler de ça, puis on peut pas leur demander ça, exiger d'eux qu'ils soient aussi compétents qu'un sexologue qui a étudié pendant des années, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mm. Et bon, mais c'est intéressant qu'est-ce que vous dites, hein, madame. Merci. Si madame, c'est moi ça. Oui, vous êtes une madame. Non, mais je pense que c'est une madame. Non, mais sérieusement, c'est très intéressant, puis. si pour avoir encore des gens comme vous là, qui pouvaient créer et aussi mettre en évidence ces choses-là. Je pense que ça serait bien aussi, je suis en train de vérifier à l'instant votre page vaginconnaisseur.com. Je pense que ça serait intéressant de mettre le lien sur notre page Facebook. Mission acceptée. Parfait. Je trouve ça super intéressant de quoi vous parlez sur votre page. Puis je pense que c'est important, comme vous le dites, parler de plaisir, parler de communication pour savoir ce que l'autre aime, puis pas juste d'acceptation, pas juste... L'éducation aussi. Oui, c'est ça, exact. Mais le but de ça, c'est très éducatif, hein, c'est-à-dire... Oui. Il n'y a pas une vision porno ou érotique. Non. C'est éducatif. Complètement à l'opposé. Puis que les gens ne soient pas choqués d'entendre des mots crus comme ça. Que ça soit naturel, que c'est une partie du corps... normal, comme des yeux, comme une bouche, comme un pied, tu sais, que ça soit pas... On est tous sortis par là. Oui, à part ceux qui sont sortis par césarienne, là, on les aime quand même, mais je veux dire, la majorité des gens sont sortis de là, puis c'est... Je trouve ça aberrant qu'il y ait des commentaires, parce que, tu sais, on a eu de la pub, là, du HuffPost, par exemple, là, puis si on va voir les commentaires en dessous de l'article, mon Dieu, on est en 2018, puis il y a des gens qui voudraient encore qu'on cacher cet organe que je ne saurais voir, là, tu sais. Fait que des fois, moi, ça me décourage, mais en même temps, ça fait partie de la vie qu'on n'est pas pour être tous d'accord sur un même sujet, là. Est-ce que ça a une vision féministe aussi en même temps, Ben, moi, ça a pris longtemps de me définir comme étant féministe. Je te dirais que mon frère, il est plus féministe que moi, tu sais. Moi, je suis un peu vieux jeu, tu sais. J'aime ça que l'homme m'ouvre la porte, blablabla. Mais en même temps, j'aime ça aussi gâter mon homme aussi. Fait que je pense que c'est l'égalité, l'équité. Mais il y a aussi tout un mouvement dans n'importe quel mouvement, il y a des extrémistes. OK? Ça, on s'en sort pas. Puis, dans le mouvement féministe, je trouve qu'il y a aussi ce groupe-là de féminazistes qu'on les appelle. Féminazis. Qui sont comme un peu à bas les hommes, on veut les détruire. Puis, tu sais, je veux dire, quand on comprend c'est quoi le féminisme, quand on veut juste qu'on soit égaux, tous les deux. Il n'y a pas de... La femme ne veut pas être supérieure à l'homme, ne veut pas illuminer l'homme, veut juste être égale à lui. Donc, je pense que quand on a cette vision-là, ça devient vraiment inclusif et ça devient naturel. C'est pourquoi la femme, un être humain au même titre qu'un homme, ne serait pas égale. Pour moi, ça me paraît absurde, mais tu sais, on est encore dans l'égalité salariale au Canada, hein, je veux dire, en 2018, fait. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais il y a un mouvement extrémiste qui nuit, je te dirais, au mouvement global des féministes. Fait que moi, je veux pas réduire le mouvement à un mouvement féministe. Je trouve que ça nous met dans une catégorie, ça nous limite. Mais of course, moi, je suis féministe dans mon cœur. Je voudrais donc que tous les humains soient égaux, tu sais. Puis, mon site Internet, en passant, oui, il y a une mission éducative, mais il y a surtout une mission de collaboration générative. C'est-à-dire, moi, je prétends pas être experte dans le sujet. Je prétends pas tout savoir. Fait que je compte vraiment sur les autres personnes pour que tout le monde ensemble, on apporte un petit quelque chose, puis que ce site-là sert à rassembler de l'information. Donc, je trouve ça intéressant d'une petite fille, mettons, qui va aller chercher de l'information, un jeune qui va aller chercher de l'information, ben, il tombe sur autre chose que de la pornographie pour s'informer, tu sais. Puis tout à la même place. Ouais. Ah, ben, c'est bien. Alors, il est en ligne. Je l'ai mis sur la page. Il est déjà en ligne. Mélanie, t'es efficace. C'est ce que j'allais dire. Très efficace. Mélanie, t'avais-tu quelque chose à dire? On avait parlé hier, parce que j'ai pas été capable de placer un mot de la boîte d'entrevue. Je suis habitué. Mais on a parlé hier, si t'avais à résumer en deux minutes, disons, ce que t'aurais toujours voulu dire à la radio, ce que t'aurais, le message prioritaire que tu voudrais passer, ce matin, ça serait quoi? En fait, j'aimerais que les jeunes se parlent, puis qu'ils se regardent, puis qu'ils apprennent à se découvrir eux-mêmes avant d'aller explorer le sexe opposé ou le même sexe ou la sexualité d'une autre personne. Okay. Je pense que c'est important d'être à l'aise avec notre propre corps, puis de l'aimer, puis d'apprendre à se donner de l'amour, parce qu'on a toute une belle diversité, on est tous uniques. C'est vraiment ça qui est important, je trouve, c'est d'apprendre à nous se réapproprier notre corps, en être fiers, puis l'utiliser d'une façon saine, d'une façon honorable, dans le sens que c'est pas... je veux pas dire c'est pas, je veux juste dire, dans le sens, c'est de s'orienter vers quelque chose de plus sain. D'une sexualité épanouissante, c'est la complicité entre deux personnes ou plus, mais vraiment de dire, ben je me suis auto-observée d'abord. Tu sais, je sais ce qui me fait plaisir, je sais c'est quoi mes limites, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Puis là, ça va être plus facile de le dire à quelqu'un, parce que après, c'est difficile de dire à quelqu'un stop si on n'a pas appris nous-mêmes à s'explorer notre corps, puis de se respecter surtout. Tu sais, moi, je sais que ma première relation sexuelle, j'étais rendue dans la chambre du garçon, j'étais curieuse, je voulais. Puis là, durant l'acte, j'ai changé d'idée, ça me tentait plus, ça me faisait mal, je voulais qu'il arrête. Puis tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est chut, j'ai bientôt fini, tu sais. Puis là, je veux pas dire que tous les gars sont comme ça, mais je veux dire que moi, là, avoir eu confiance en moi, j'aurais fait « Hey, ça suffit ». Mais dans ma tête, je pouvais pas. J'avais comme consenti. Le consentement, là, il peut se retirer à n'importe quel moment. Vrai, c'est important de se respecter. Vrai. Et qu'on parle de respect aussi, hein, c'est ça? C'est vraiment ça. Il y a des gars qui, excuse-moi si je t'interromps, mais comment j'ai eu ça, des gars qui disaient « Ouais, c'est de sa faute, c'est une agace, la fille a dit oui, puis après elle dit non, puis non, tu sais, puis ça lui donnait comme une... Il n'a pas respecté le non, tu sais, même... Dans la chambre à coucher, il n'a pas respecté ça. Et je me dis, mais mon Dieu, ben oui, tu veux dire, ben, c'est comme ça. Tu sais, je veux dire, ça se fait à deux, puis t'as pas à contredire ça, tu sais. En tout cas, c'est... Oui, puis il y a des femmes aussi qui insistent, hein, ça se passe dans les deux bords. C'est sûr qu'on a, avec la vague de MeToo et d'agression non dénoncée, on a vu, il y a plus de témoignages de femmes, mais il y a quand même des témoignages d'hommes qui se font, tu sais, l'agression de l'humain, at large, ça va dans les deux sens. Ouais. Du moment qu'une personne dit non, c'est non, peu importe. Ouais. C'est de respecter ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué, puis on a été élevé dans une certaine mentalité. Puis là, je pense que, justement, le festival va aider à changer cette mentalité-là. Je prétends pas que ça va tout régler, mais ça va faire avancer la cause, j'espère. Bon, ben en tout cas, on le souhaite aussi. Hein. Effectivement, et ce, en terminant... merci beaucoup d'avoir été là, Mel. On rappelle le lancement, c'est le 21 mars. Yes, à l'espace public. C'est gratuit. Vous pouvez venir déguster la F qui a été brassée. C'est une bière qui a été brassée en l'honneur du festival. Puis elle est exclusive sur place. On peut la boire juste à l'espace public à partir du 21 mars, 3h. Ben quand même. C'est cool. Donc, on invite... tous les amateurs de vulve et tous les amateurs de bière à s'y rendre, bien sûr, et bien sûr de participer au festival que, je rappelle, va être entre 10h et 20h, le 9 et 10 juin prochain 2018. Merci beaucoup, Mel, d'avoir été parmi nous. Je sais que je prends ton temps, là, une seconde pour dire, il y a 50% des profits du festival qui vont aller à un organisme qui soutient une cause vulvement, vaginalement pertinente. Fait que si vous êtes loin puis vous voulez juste participer à une bonne cause, ben achetez un billet. Puis sachez que la moitié de ce billet-là va aller à une cause vraiment intéressante. On a plusieurs choix. On va faire voter le public en mai. OK, cool. Wow, c'est bien ça. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire une entrevue ce matin. Ouais. Et on va faire on fera un retour après le festival voir comment ça a été. Génial! Bon, mais au plaisir de vous rencontrer. Okay. Merci! Bonne chance! Bye! Bonne journée! C'était Mel Goyer, fondatrice et organisatrice du festival. Sur ce, on vous revient tout de suite après la pause. Shut up. Bienvenue à C'est fou le sexe, dans la meilleure émission d'éducation à la sexualité au sud de Shawinigan. Donc... oh mon Dieu, hein, c'est... Écoute, c'est moi, fort, je, très, ouais, très oui, fort. Je, écoute, c'est je suis fort. Bon pour trouver des exemples complètement... Très géographique, hein? C'est très, très géographique. Mais en même temps, c'est pas fou. Mais oui, c'est fou. C'est fou, 89.1, bien entendu. Maître Pascal Aberlaev vient tout juste de se joindre à nous, sexologue et psychothérapeute ici à Trois-Rivières et un peu partout sur le globe, ouais. Notamment où vous en avez besoin. Elle se rendra avec honneur et fierté et vous, ira vous parler de tout ce qu'il faut. Si le billet d'avion est payé. C'est bien, ben voilà. Hein, à partir du moment où il y a beaucoup de zéros en arrière... Ouais. Bon, ça dépend du nombre de zéros, ouais, mais bon. Blague à comment part. Ça va? C'est 0.0. 0.0, 0.0, 0.0. On y va, il y a beaucoup de zéros après la virgule. Sur ce, on a eu une belle invitée juste avant. Fort intéressant. Très motivant. Beaucoup plus, sans vilain jeu de mots, beaucoup plus profond, en fait, qu'on pourrait oser le croire. Engagé, très engagé. Très engagé. Venant quand même de quelqu'un qui n'a pas de formation formelle en sexologie, mais qui est plus coach PNL de formation. Mm-hmm. Donc, mais qui a quand même à cœur les propos sexologiques. À l'instar de la moitié de l'équipe ici. Là. On en trouve beaucoup dans les médias, les réseaux sociaux, celles qui font des blogs ou même la journaliste qui fait l'émission S'explora. On les voit un petit peu comme, j'ai envie de quasiment dire, des activistes, des personnes impliquées au niveau de la sexologie qui rendent un propos vraiment intéressant, puis que ça diversifie justement les propositions qui sont faites par rapport à tout ce qui concerne la sexualité, les femmes, comment le féministe aussi a une voix à travers ces femmes-là. C'est vraiment intéressant. Puis il y a aussi des hommes aussi qui font des belles propositions là, dans ce sens-là. C'est vraiment intéressant. Ouais, le festival. Le festival, exact. Le nom est quand même... je dirais, il est osé au sens marketing. Parce que c'est pas, peut-être pas le mot le plus vendeur qu'on pourrait mettre pour un festival. Mais en même temps, il y a la notoriété ou le mérite d'être un peu choquant, ce qui attire l'attention et qui va peut-être permettre justement d'éliminer ce tabou-là, de dire mais simplement le mot vulve. Moi, je l'ai appris très jeune à mes enfants. C'est pas normal. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui se sent choqué, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que le mot vulve te choque? Je comprends que ça réfère à une partie intime de la personne, mais ça reste une partie du corps ou la moitié de la population. C'est pas pire qu'un nez, une bouche, des yeux, ben on a une vulve. Mais c'est fou que des gens qui louent des salles voulaient pas avoir ce type d'événement-là. Okay. C'est quand même choquant en 2018 de voir ça. Je veux dire, c'est pas le congrès international des pédophiles. Non! Loin de là. C'est le festival. Puis en plus, c'est une activité familiale. Mais surtout que son propos est quand même sérieux dans le sens qu'elle cherche à attirer des. En tout cas, si je me trompe pas, là, à attirer des conférenciers ou des gens qui. Peut-être qu'ils participent à des kiosques, mais ça, avec une certaine rigueur, c'est des gens qui sont là pour apporter quelque chose vraiment d'intéressant, à la limite même sûrement scientifique. Oui, puis c'est très éducatif de éducatif de aussi, donc c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, ça fait toute la... Comment je peux dire? On voit vraiment une différence avec, tu sais, les salons plus de nature érotique, puis là, on va voir beaucoup de sex toys, puis de toutes sortes de choses, tu sais, qu'on avait même à la place Bonaventure, du coup, je me tiens pas au courant de ces événements-là. Je sais que ça se tient encore, je sais plus où les dates, mais tu sais, pour dire, elle a un propos sérieux, malgré un titre accrocheur, comme tu dis. Puis moi, en même temps, tu sais, je trouve, c'est coloré, ça fait appel à l'imaginaire, c'est frappant. Moi, je trouve ça plus, comment je peux dire, plus surprenant, plus invitant que choquant. C'est comme, hey, quelqu'un va penser à ça, tu sais, à Barouette, tu sais. Fait que je trouve ça, je trouve ça créatif comme nom. Ça vient du cœur, ça vient du cœur. Tu sens que... Il y a beaucoup d'art aussi dans effectivement, sa beaucoup de création, c'est fascinant. On en parlait pendant la pause, mais peut-être que l'équipe de C'est fou le sexe, du moins ça va être à pourparler ensuite, mais peut-être que l'équipe de C'est fou le sexe va se déplacer en partie ou au complet. Au complet. On va en discuter avec les intéressants en premier. À savoir, ça pourrait être une sortie d'équipe. Je paye la bière. Et on pourra faire un topo en revenant du festival. Ça pourrait être fort intéressant. Elle parlait de moulage. Elle parlait du moulage de vulve. Oui, c'est dans notre culture... Là, on ne vend pas le punch ma chronique. Non, c'est pas là. Ça, là. C'est nouveau maintenant dans notre société dans les années 2010, mais ça se faisait aussi des années 60. Ah ouais? Il y avait des moulages de vulve, mais de pénis aussi. Et j'ai su que j'ai vu quelque chose concernant une émission de télévision. Le pénis de Jimi Hendrix qui est dessiné en 70. Je te suis. Il semblerait que oui, mais il a fait mouiller son pénis à un moment donné lors d'un festival quelconque. Et était-tu en élection? Je pense pas. Mais de toute façon, c'était comme quand même usé. C'était quelque chose de nouveau à l'époque, mais c'était pas si nouveau que ça. Et là, on parle quelque chose de nouveau, oui, mais en même temps, non. Non, mais j'ai voulu faire mouler mon pénis, Pierre, mais ça coûtait trop cher de plantes. Donc, on a oublié le projet. Ils l'ont cherché, peut-être. Il n'y avait pas une chaudière assez grosse pour l'accueillir. C'est ça. Et voilà, tout simplement. Moi, je m'en allais dire qu'il était trop petit, là. C'est que ça coûtait trop cher des microscopes. Et voilà. OK, c'est à mon point. J'ai aucun orgueil. Il n'y avait pas l'équipement microchirurgie pour manipuler la chose. Il n'y avait pas la petite pince pour manipuler la chose. Et voilà. Une pince à sourcils pour manipuler le plâtre. Et voilà. OK, Natacha, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Tu veux m'interrompre pour dire de quoi, là? Non, en fait, c'est juste c'est parce que... Garais, c'est juste parce que je voulais... parler du moulage de vagin en regardant le sujet de l'émission aujourd'hui. Okay. Ben oui. J'ai fait un peu de recherche, okay. Puis t'sais, vu que Pâques arrive, puis on se met sur le bricolage, oh. Pourquoi pas? Cool. Pourquoi pas? Oui! Alors, c'est un œuf qui tient. Je vais faire des petits lapins, des petits lapins. Écoute, des, le bricolage pour ouais, adultes, 2.0, le moulage de son propre vagin. Il y a beaucoup de sites Internet. Ouais, ouais, mais là, c'est pas le moulage du vagin, c'est vraiment le moulage de la vulve. Oui, excuse. OK, parce que sinon... Non, non. C'est moi qui se mêle d'un terme, là. Je suis comme trop excitée ce matin d'en parler. Est-ce qu'on parle de vulve ou... Oui, c'est ça, okay. Je suis trop... est-ce qu'on... J'aurais aimé qu'on parle de double standard. Ben écoute, on va en parler après. Ben, on peut en parler après ta chronique. Ben oui. T'as envie, on lance ta chronique? Why not? Pis ding, ding, patouf. Tiens, ben non, mais j'en parlerai pas longtemps, là. Natacha! Natacha! Natacha! Hein, t'en voulais un thème, tu l'as, ça. Ça, c'est un thème vraiment qui colle à la peau, hein. Ah, tu trouves? Ouais, mais en même temps, si vous cherchez la chanson, ça colle un peu moins. Quand c'est vrai? Ah, c'est assez pénible. Ah, oh, okay. Seigneur, bon. Faites pas ça. Faites pas ça à la maison, vous allez faire des cauchemars. Je ne dors plus depuis. Mm-hmm. Ça fait quand même un an et demi. Quand même. Bon, sur ce, Natacha, tu veux nous parler de quoi? Tu veux nous parler de moulage vulvaire? Exact. Alors, il existe plusieurs compagnies qui se lancent dans le... Dans la vulve? Exact. Pour les, okay. Les produits pour mouler son propre vagin puis en faire une œuvre... Sur sa vulve. Sa vulve. Pourquoi je n'arrête pas de dire vagin? Dis-le trois fois de suite, ça va passer. Vulve, vulve, vulve, vulve. Okay. Deep throat, deep throat. Ça, c'est deep throat. Tu vas la mélanger. Là, tu vas tout me mêler. Je vais la kiwailler. Merci de me rappeler à l'ordre avec le bon terme. Alors, c'est ça. pour oui, en faire une œuvre d'art de son propre... De sa propre vulve. Je m'en allais encore me tromper. Ben, on sent... Dis vagin, là, c'est pas grave. Vous allez comprendre. Ben oui, on va comprendre. Vous pouvez ici remplacer tous les mots qui ne font pas votre affaire par d'autres. C'est correct. Il n'y a aucun problème à ça. Ma langue fourche toute seule. Parce qu'on parle de vulve. Il y a des compagnies qui se sont lancées là-dedans. Ouais. Au maire de serre, ils proposent le kit de moulage. Je ne suis pas sûre. Je vais y aller tout de suite. Parce qu'ils en proposent pour mouler les petites mains, les petits pieds des bébés naissants. Ils ne sont pas rendus. Mais non, c'est des petits kits. Et puis il y a même beaucoup de chroniques sur je m'en allais dire YouPorn. Sur YouTube. Tabarouette. Natacha, t'as-tu dormi, ça? Natacha, elle est confuse. vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir voir des moulages de vulve. Alors... c'est quoi le mot-clé? On écrit moulage de vulve? Exact. OK, d'accord. Tout simplement. Alors, puis aussi beaucoup de... Je fais des recherches, puis au Japon, il y a une artiste qui a moulé sa propre vulve et qui a été emprisonnée pour ça. Ah, ouais. Oui, c'est bizarre. Puis au Japon, ils sont assez quand même ouverts. Hein? Puis elle a aussi fait un kayak en forme de vulve. Les boys. Tu sais, je fais du kayak. Je m'imagine... Je veux pas t'acheter un beau... un beau kayak. Je m'imagine d'être dans un kayak. En même temps, c'est une belle publicité pour une sexologue. Un kayak. Ouais, un kayak. Mais... Allô, kayak? Fait qu'elle a fabriqué un kayak. En tout cas, on peut pas dire qu'il est pas humide. Non, oui, mais je comprends, en fait... As-tu du poil? Non, il y a pas de poil. Non. Oh, mon Dieu, t'es sûr? Oh! Ouais, c'est le dessus du kayak qu'elle a comme moulé ou qu'elle a fait une espèce de forme. Mais j'ai trouvé ça très drôle que des artistes comme ça au Japon, parce que c'est pas la seule dans mes recherches que j'ai trouvé, qui a eu des plaintes ou des poursuites dues à des moulages de parties intimes. Mm-hmm. Mais celui-là, je le trouvais très, très cocasse avec le kayak. Mais en gros, là, je suis comme intriguée. Ce que tu as vu sur les vidéos YouTube, comment qu'on fait, en fait? C'est quoi? On faut acheter nous-mêmes c'est un plâtre, petit kit qui vient, puis il y a des étapes. Puis là, tu te mets, j'imagine, devant... Je ne disais pas, tu as regardé. Okay. Mais tu te mets devant un miroir, puis tu... Serais-tu game d'essayer de faire ça, Natacha, et nous en reparler? Mais peut-être à deux. Pourquoi? On va se cotiser pour payer le produit. Allez, chômage. S'il y a des auditeurs qui veulent commanditer, Natacha. Oh my God. Mais écoute, non, je serais curieuse de voir ce à quoi dans ça peut ressembler. Dans la Ben là, mais... Nel Goyer parlait que ça allait pouvoir être possible. Hein, oui. Fait qui sait, peut-être que je vais me motiver de faire ça. De lancer la production là, avec un loger pour voir, ça va être intéressant. Non, je vais me contenter de faire le mien, puis ça va être correct. Mais il y a quelque chose où... j'allais dire, ça prend du gars. C'est comme un peu les gens qui se prennent des photos d'eux nus. Comme par exemple, je sais pas, voilà, tu sais, je suis nue puis je souhaite la partager à mon conjoint ou quelque chose comme ça, ou à ma conjointe. Donc, la même chose pour le moulage de vulve. Après ça, tu restes avec ça. Il y a quelque chose où est-ce que, tu sais, parce qu'à moins que des gens veulent l'exposer dans leur maison, mais tu sais, comme tes photos nues, normalement, tu les gardes pour toi. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton œuvre d'art par la suite? Tu mets tes cartes d'affaires. Ben, écoute, tu ris, hein, oui. Mais j'étais allée il y a quelques années au Salon de l'amour et de la séduction à Montréal. Puis, il y avait un kiosque qui, justement, c'était sur le moulage. Mm-hmm. Puis, dans ce qu'il faisait, tu pouvais en acheter déjà fait. Oui, oui. Puis, tu peux accrocher genre ça à ta porte, comme... Ouais. Tu sais, où il y a l'œil pour voir s'il y a une vulve très... explicite. J'étais comme « Oh my God! » Bien, au Salon des métiers d'art de Montréal, ça fait plusieurs années, là, il y a, je sais pas le nom de l'artiste, mais justement, il y a une proposition comme ça où ça peut être le petit porte... le petit carte d'affaires, le porte-clé. Écoute, en tant que sexologue, tu devrais avoir un petit porte-carte comme ça. Ouais, ben en fait, tu vois, ce que, j'ai déjà eu une photo sur mon frigo parce que j'étais allée à New York, j'avais acheté juste la carte postale là, pour, mon Dieu, comment ça s'appelle, la toile. En tout cas, c'est une toile qui s'appelle l'Origine du monde, puis c'est une femme qui est allongée, on voit pas la tête, on voit seulement le bas du corps, puis c'est justement, c'est un peu un vagin, mais avec beaucoup de pilosité. Ça date de 1863. Oui, de Gustave... De Gustave Courbet. Exact. Donc, c'est ça. Bref, j'avais la petite carte postale, écoute, ça fait des années, là, sur mon frigidaire, puis les gens étaient mal à l'aise parce qu'ils pensaient que c'était moi. Ils pensaient que je m'étais pris en photo, puis j'avais aimanté ça sur mon frigo. Mais les gens m'en parlaient. Non, mais pour vrai, les gens m'en parlaient pas, tu sais. Puis c'est comme plusieurs années plus tard que j'ai appris, par le biais de d'autres personnes, qu'il y a des personnes qui pensaient que c'était moi qui s'était affiché sur mon frigidaire. Oh my God. Fait que là, j'ai la crainte qu'il va falloir que je justifie à chaque client, si j'avais ça sur mon bureau, c'est pas ma vulve que tu vois. Mais tu parles de quelque chose, il y a des gens qui savaient pas que c'était une peinture, parce que Gustave Courbet qui a fait ça, moi, j'avais présenté un diaporama sur les femmes féminines, j'avais mis ça. Et on me l'avait enlevé dans le vide parce qu'on disait que c'était pornographique. OK. Imagine, quand j'ai dit que c'était une peinture qui datait de 1800, ben oui, non, ça, c'est de l'art. Non, mais on était dans le temps des impressionnistes, c'est ça? Hey boy. Et moi, à l'entrée de mon bureau, je mettrais ça littéralement. Ça serait. Ben, en fait, Anthony fait référence à The Wall of Vagina. The Wall of Vagina. Oui. Donc, on peut taper ça sur Internet. C'est une artiste en Angleterre, si je me trompe pas, qui justement se spécialise dans le moulage des vulves et des pénis. Puis c'est vraiment le fun parce que sur son site web, elle a une section éducation et on peut justement voir les vidéos de comment qu'elle procède. Puis ça, c'est super intéressant. Mm-hmm. On peut utiliser justement... en fait, les photos, elle prend des photos finalement de ses œuvres d'art, de toutes les vagins moulés, puis les vulves moulées, là, j'ai fait l'erreur, de toutes les vulves et les pénis moulés. Et finalement, c'est ça, à titre éducatif, effectivement, on peut aller le voir nous-mêmes sur Internet, on peut le présenter à nos clients ou dans le cadre d'une intervention pour parler de la diversité de la morphologie des vulves. Parce que souvent, les gens sont complexés, surtout à l'ère maintenant, où on parle beaucoup des chirurgies esthétiques. Oui, c'est vrai. Ou qu'il y a des chirurgiens ou des chirurgiennes esthétiques qui font des propositions de remodelage vulvaire ou des petites lèvres, etc. Mm-hmm. Puis à partir des travaux de cette dame-là, de Wall of Vagina, c'est vraiment intéressant de voir justement, il n'y a pas une vulve, on en a déjà parlé à l'émission, en tout cas, il n'y a pas une vulve de pareil, de voir comment que c'est la normalité aussi que les petites lèvres dépassent des grandes lèvres, finalement, du vagin. Le capuchon du clitoris aussi peut apparaître à l'extérieur des grandes lèvres. Donc, c'est ça, c'est vraiment super. Puis de voir aussi la symétrie, tout ça, en tout cas, c'est vrai. Il n'y a pas une vulve de pareil là, sur la Terre. Effectivement, c'est très, très diversifié. Oui. Puis c'est ce qui caractérise une femme, il faut s'en rappeler, parce que les petites filles, mm-hmm. ont justement pas les petites lèvres autant développées. Le monde Vénus, c'est-à-dire le pubis non plus, il est pas aussi comme gonflé, si je peux dire, il est pas aussi bombé. Puis c'est vraiment avec la puberté, quand on vieillit, quand on devient femme, que là, ben comme les seins poussent, même chose pour... les hommes, tous les changements pubertaires, bon, mais le vagin de la femme aussi se transforme, le vagin, la vulve, l'apparence. Et se modifie aussi avec les grossesses, mm-hmm. avec les accouchements. Ben oui, avec les étapes de la vie, effectivement. Puis qu'on vieillit, ça change. Avec le temps. Mais pour revenir sur ma chronique, si jamais ça vous intéresse de vous procurer, la trousse est 49,99. Ah, mais c'est pas si mal, quand même. Puis, vous pouvez taper, ben, de ce que je vois sur beaucoup de sites, c'est toute la même compagnie qui fait l'ensemble de moulage, c'est mm-hmm. Clone a Pussy. Clone a Pussy. En gros, c'est tous les bons marchands. Alors, vous pouvez googler ça, puis vous le procurer. Ça se trouve-tu sur Amazon Canada? Écoute, probablement. À Star, tu peux trouver de tout sur Amazon, mais ça semble assez un petit kit complet, puis en plus, c'est rose. Fait que... Pour être dans le stéréotype. très stéréotype. Ben, je pense que j'aime mieux blanc, moi. Ben, on dirait que j'ai quasiment un malaise avec le poussé. Il me semble qu'on aurait pu trouver une formule un petit peu plus douce. Puis il y a aussi des moulages réaliste. De pénis qui sont faisables également. Mold of dick, non, ça. Et là, mon... C'est n'importe quoi. Comment ça s'appelle pour les pénis, Natacha? Écoute, j'essaie d'ouvrir le lien, puis ça ne marche pas. C'est ça. Il ne veut pas, il veut rien savoir. Mais bref... Ben, c'est intéressant puis c'est de voir, en fait, d'avoir l'opportunité d'aller mouler sa vulve. Au festival, c'est vraiment intéressant, mais tu sais, il faut avoir le guts de le faire, puis de peut-être aussi de se dire, bon, ben moi, je fais quoi avec ça? Après, ça reste que, je sais pas si les gens veulent vraiment montrer à quoi ressemble leur vulve à tout le monde qui se présente. Hey, regarde, ça, c'est ma vulve! Regarde, qu'est-ce que j'ai fait! Tu l'accroches à ta porte! Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu belle? Mais... Comme Mel disait tout à l'heure, c'est vraiment la comparaison entre les personnes. Tu sais, dire « Ah, la mienne n'est pas pareille que la tienne. » Tu sais, avant un certain âge, tu penses que les vulves, les vagins, sont toutes pareilles. Ils ont toutes la même forme. Puis, tu sais, ce qu'on voit souvent, c'est un type précis dans les films et tout ça. Mm-hmm. Mais c'est tellement pas représentatif de la réalité. Moi, on devrait, au lieu de faire des soirées Tupperware, faire des soirées de dévoilement de vulves. Moi, je dis, il y a une idée à creuser là-dedans. Qui en parle, tout le monde apporte son moulage. Son moulage de vulve, puis on se check le moulage. On s'entremoule. Écoute, mais non, mais je veux dire, tu sais, mouler toute seule, écoute, la personne moule quelqu'un, puis vice-versa. Ben oui, tu manges des crottes au fromage avec ça, fait que ça fait un beau petit mélange de... Une vulve orange. Je pense que je vais passer mon tour pour l'activité. Ouais, finalement, ouais. C'est correct. Je pense que trop d'insulté pour moi. Mais tu sais, je suis un peu niaiseux là-dedans, là, parce que j'essaie de penser à des images. Quand tu fais un moule de vulve, est-ce qu'il faut que tu rases les parties intimes, le monde Vénus? Parce que, tu sais, je me dis, Christy, le poil pogne dans le plâtre. Quand tu tires le plâtre... Ce que je vois, comme ici, c'est vraiment au niveau des petites lèvres, le clitoris. Non, mais moi, ce que j'ai comme... C'est vraiment comme... Comme image ici, c'est quand même l'entièreté de la chaîne. Un aimant de frigo. Moi, je vous... bonjour si ça sèche là, hein? Je pense que tu dois mettre quelque chose comme... Une pierre de vaseline. Oh, mon Dieu! La vaseline. Mon Dieu. Désolé, c'est violent ce matin. Charnel, ça fait mouler la vulve. Ben oui, écoutez, c'est une activité, ça, de premier plan. Oui, c'est ça, comme les femmes enceintes. Fait que c'est de la vaseline que tu te... Tu te beurres de vaseline. Tu te beurres de vaseline. Merci, Natacha. À ne pas utiliser comme lubrifiant, s'il vous plaît. Oh my God! C'est surtout pas. Ben, c'est un bon lubrifiant, mais pas si tu utilises le condom. Parce que c'est parce que la vaseline n'est pas à base d'eau, donc ça peut faire en sorte que le condom va te déchirer. Trouver un moulage de vagin... C'est comme le vagin et la vulve. Ça va, Nathalie? Hein? Nathalie, ça va-tu? On dirait qu'elle est tension. Ah ben, moi... Elle est blême. Là, je viens de découvrir de quoi. C'est un peu traumatisant. C'est la couleur qui fait peur. Parce que Natacha nous montre des photos. Mais tu sais, en même temps, c'est quelque chose de tellement naturel, puis ça a vraiment une fonction éducative. Pour... Écoute, ils en font des chandelles. Mais ça a tellement une fonction éducative pour toutes ces femmes qui sont soit complexées ou qui ne connaissent pas les mécanismes de leur corps. Ouais. J'ai une autre image de moulage de la vulve et du vagin. J'aurais dû mettre ça dans mes cours, moi, Colin. Mais en fait, des planches anatomiques, il y en a plusieurs là, dans ce style-là, ce que vous montrez. Des planches anatomiques? Oui, comme par exemple, quand on voit les squelettes, les corps humains, on a la même chose pour les organes génitaux internes, externes. Mais dans ton cours, qui est quand même, on parle de... Tu pourrais peut-être mettre ça, une petite section. Moi, j'avais mis dans mon cours que tu donnes la chirurgie esthétique pour les femmes et les hommes. Ça, tu pourrais peut-être mettre ça aussi. C'est déjà présenté, Pierre. Tu veux? On a forcé le cours, oui. On a parlé de Wall of Vagina, puis j'ai... Oui, effectivement. C'est parce que pour vous mettre en contexte, je donne un cours à l'université, puis ça a été un sujet qui a été abordé. C'est pas ton cours des populaires. Mm-hmm. On a parlé de la vulve. J'avais une section sur « Connaissez-vous votre vulve? » Est-ce que tu donnes un cours à l'automne? C'est pas encore. On ne sait pas. Okay. Les cours sont sortis pour la session? je ne sais pas. C'est, ça part. Ben pour la prochaine. Oui. Non seulement on va s'en changer, s'enlever de sujet, mais on va aller aussi directement à la pause. Fait que sur ce, touchez pas à ce piton-là. Ben non, c'est pas un orgasme auditif. C'est seulement C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. De retour à C'est fou le sexe, toujours en ce 6 mars 2018. Non, j'ai pas allumé ton micro encore. On n'a pas changé de date depuis. On n'a pas changé de date, mais il y a des auditeurs qui aiment bien se le faire rappeler. Qui ont besoin de savoir la date. Allez, en passant, le 8 mars, dans deux jours, c'est la journée internationale des femmes. Pour oublier ça, dans deux jours. On n'a même pas parlé dans cette part. Ben non. C'est là que tu le dis. Ben là, c'est parce que là, je viens de penser, je viens d'allumer. Tu viens d'avoir une illumination. On est à deux jours de la fête internationale des femmes. Oui. La journée internationale des femmes. Hein? Effectivement, c'est vrai. J'ai pas ça à mon calendrier, malheureuse. Je l'ai chaque année, c'est la fête à ma grand-mère. On est au courant. Mais c'est dommage que ça tombe pendant la semaine de relâche cette année parce que absolument, l'association aurait pu faire quelque chose de spécial. Ben oui. Mais, bon, cette année, on aura une pièce de théâtre éventuellement le 27 mars. Oui, qui était en train d'écrire, d'ailleurs. Je suis en train de finir d'écrire, là. je peux avoir plus pièce, que oui. 15 on est hâte minutes de voir en ça. Même temps. Ben oui, c'est... Non? Ça s'annonce être quand même une pièce de théâtre qui a beaucoup d'éléments sexologiques dedans et qui comporte... notamment la notion de consentement et d'agression. Mais c'est quand même une comédie, il faut se le rappeler. Une comédie musicale, par ailleurs. Donc, il y a beaucoup de chansons en plus, à travers de ça. Est-ce que c'est toi qui vas mais c'est pas une comédie... Ta voix... Oui, je vais mettre en œuvre ma voix. Mais c'est pas une comédie musicale. Je vois Pascal froncer du nez. Parce que les comédies musicales, de façon ordinaire, vont mettre des chansons qui collent ou qui vont raconter l'histoire. Tandis que nous, on a pris des chansons du registre populaire et on les a, dans le fond, fait parler dans l'histoire. Donc, c'est une différence. Je pense que le mariage va être intéressant. Fait que je vais vous inviter tout le monde à acheter les billets qui vont être bientôt en vente au coût quand même assez bas de 5$. Et il va y avoir une donation volontaire pendant la soirée pour une œuvre de bienfaisance. Sur mes publicités, maintenant, passons à la notion de double standard, parce que peu importe qu'on parle de vulve, qu'on parle de quoi que ce soit, il y a toujours cette dichotomie-là qui arrive souvent du double standard, c'est-à-dire, exemple, les stéréotypes au niveau de la vulve, mais il y a aussi les stéréotypes au niveau du pénis, la grosseur, la longueur, peu importe. Mais on n'en parle pas de façon égale et c'est pas traité de façon générale, de façon égale non plus. Qu'est-ce que vous en pensez justement du traitement du traitement de la vulve, disons-le. Non, mais battez-vous pas pour me répondre. Hein? Ben, on le dit depuis, depuis le début de l'émission, tu sais, ouais. le caractère, souvent qu'on pense que... Caractère choquant pour certaines personnes, le caractère tabou aussi quand on aborde la vulve, puis peut-être que quand on parle de pénis, on est un peu moins choqué par le terme pénis que vulve. Ouais, et, bon, visiblement, en tout cas. C'est des termes qui rendent mal à l'aise, je pense. Mm-hmm. Mais pourquoi? Ben, tu sais, la... Mais pourquoi le mot « vulve » plus que mais, le mot « pénis » ben, je pense pas personnellement qu'il y en a un plus que l'autre, mais mm-hmm. c'est quelque chose de très intime que les gens... Tu sais, c'est comme à l'école, t'entends un pipi, caca, puis tu pars à rire. Tu sais, c'est quand mm-hmm. même des aspects très personnels de chacun. Oui, puis ben, justement, j'allais faire référence... tu sais, souvent, les gens n'utilisent pas les vrais termes mm-hmm. parce que... Ben, ça, des fois, c'est un manque de l'éducation, mais des fois, c'est juste par rapport à la gêne. Tu sais, de contourner le vrai mot permet de passer un petit peu par-dessus cette gêne-là où ça permet d'amener un peu d'humour. Ben, tu sais, on s'entend aussi qu'il y a des termes plus dégradants là, pour désigner les vulves ou les pénis, sans les nommer au micro. Mais, donc voilà, fait que ça parle un peu du vas-y, malaise. Des fois, lâche-toi, Louis. Bien, souvent, on va entendre le dit non. En fait, c'est le nom préféré de... le mot préféré de l'humoriste Mike Ward, une plot. Et j'ai toujours trouvé ce mot terriblement vulgaire et terriblement... C'est tellement laid comme oui. mot! En fait, le mot vulve est beaucoup plus beau que le ben mot oui. plot. Mm. On parle ici de plot de laine. Mais c'est vraiment quand les gens utilisent ça, vraiment dans la vie de tous les jours, dire « Hey, ta plot » ou « Hey, tes totons, tes boules! » Tu sais, je suis comme... Mes oreilles, c'est là, je suis comme... Ah! Ben ça parle aussi d'une certaine non-éducation, hein? Mm-hmm. Fait que... Mais en même temps, quand tu parles de pelote, puis Pascal m'a fait réfléchir à ça, pelotage, on disait souvent, mm-hmm. dans un langage de gars, de Bugs Club, une pantoufle, moi j'ai entendu ça. OK. Aussi... Là, Mélanie Ali, je ne sais pas si ça touche à sa culture. Mais quand... Oui, j'ai entendu. Moi, la première fois que j'ai entendu cette expression-là, c'est au secondaire. J'ai jamais entendu ça. Vraiment. Une pantoufle. Ça fait plusieurs années. Elle a une grosse pantoufle. Et c'était pour vraiment insulter une femme. Là. Une pantoufle, comme plus t'aimais, plus qu'elle pue. Là. Ah, c'était ça qu'on disait d'une fille en particulier à l'école, c'était vraiment méchant. Oh my God! Ouais. Ah, ça, l'autre bout que tu as dit, j'entendais pas ça. Il y a un côté très péjoratif à ça. Ben oui, nécessairement, c'est comme de dire que la fille était facile. C'était pour dire que cette personne-là couchait avec différents garçons, tu sais. OK. Ouais, ben, si on parle justement du traitement de la... Encore là, on est dans le double standard. Oui. J'essaie de vous ramener vers mon double standard. Vas-y, c'est rare qu'on va dire de pénis qui pue. Mm-hmm. On va souvent dire d'une vulve. Il y en a aussi beaucoup, hein? J'ai pas... Il y en a qui sentent la sardine pas mal. Oui, mais c'est, là n'est pas le point dans la réalité, puis, c'est plus dans le traitement. Il attache le fond de vent, hein, n'est-ce pas? Merci, Pierre. Le fond de quoi? De vent. Oh! Non, mais, c'est aussi indiscipliné que moi. On t'a une gagne. On le sait, mais on ne dit pas. OK, tu parlais de pénis, moi. Ben oui, ben je parlais de pénis, mais je parlais aussi surtout du traitement où est-ce que, oui, certes, dans la réalité, c'est pas tous les pénis qui sentent la rose. Au loin de là, je pensais l'inverse, surtout quand ils ont servi. Mais il y en a qui se lavent pas. Écoute, mais ça reste que d'emblée, on va associer, dans la culture mm-hmm. populaire, vont associer la vulve avec... ça sent la sardine, ça sent le poisson, ça sent... Alors que c'est littéralement pas vrai, à moins que la personne n'ait pas d'hygiène, tout comme l'homme. Mm-hmm. C'est comme n'importe quoi, c'est comme les pieds. Si t'es lave pas, ça sent, c'est normal. Puis après une journée, mm-hmm. dans un front chart, t'auras bien beau être la princesse de Monaco, dans le côté éducation, effectivement, par nos sécrétions, des fois, il y a de la sueur, tout ça. C'est certain que nos organes génitaux ont une odeur particulière, puis cette odeur-là, normalement, historiquement, ce que Pierre, tu me corrigeras ou t'en rajouteras, sert justement à stimuler l'excitation sexuelle au niveau des phéromones. Il y a quelque chose où l'odeur, normalement... On appelait le masque. Des fois, le masque, c'est pas une question de puanteur. Mm-hmm. C'est tu t'approches à quelqu'un, une femme ou un homme très propre, mais elle dégage mm-hmm. Une odeur les particulière. Phéromones. Oui, effectivement, c'est phéromones. Tandis qu'une odeur, le corps qui n'est pas lavé, ça, c'est autre chose. On non, non, c'est ça, on ne parle pas de la même chose. Mais il y a des gens qui ont... On parle de l'odeur naturelle. Il y a des gens... C'est vrai, c'est excitant, l'odeur d'un corps tel quel qui est bon, peu importe qu'il soit propre, évidemment, mais l'odeur d'un corps qui dégage, c'est des fois excitant. Un corps excité. Mais ça, c'est de dire que les parties génitales dégagent une odeur bien à elle, tu sais. Puis le fait de se raser intégralement va faire en sorte aussi que ces odeurs-là qui sont un petit peu aussi, qui participent à l'excitation sexuelle de l'autre personne, bien, c'est dommage, mais on s'en prive beaucoup, là, en se rasant, par exemple. Oui, parce que c'est une protection aussi, hein, faut oublier ça. Les poils pubiens sont là pour protéger, en tout cas, Ils sont pas là pour rien. Sont là pour protéger un peu les microbes qui peuvent entrer dans le vagin aussi. Au pire, on fait quelques... La notion de délaisser son ça. Corps, je vais te le dire, Pascal, j'allais donner un cours sur l'histoire de la sexo. Admettons, le corps qui dévêtit, plus que le corps se dévêt, plus que c'est arrivé au début du 20e siècle, et plus les gens ont focusé sur l'hygiène corporelle, comme le savon. Aller à la plage, c'est pas arrivé comme ça, là. C'est arrivé vers la fin du 19e siècle. Et plus les gens se dénudent, et plus, ils veulent se laver le corps pour être capables aussi d'aller plus loin dans la sexualité. Bien, aussi, plus que la science, elle a avancé, ils se sont rendus compte que c'est pas vrai que la malpropreté protège des maladies. Comme dans le temps des colons, ils pensaient comme plus qu'ils étaient sales, plus que ça les protégeait des maladies. Mais non, c'est le contraire, tu sais. Le fait d'être propre éloigne justement les microbes. Par l'avancement de la science, ça a contribué. Ouais. Mais c'est vrai que plus tu dénudes... plus tu exposes ton corps, plus tu peux paraître propre. Puis toute l'aseptisation au niveau de la société. Tu sais, comme aujourd'hui, là, on a beaucoup les parfums, les savons, mais tu sais, au niveau des organes génitaux, c'est tellement, surtout les femmes, en fait, là, c'est tellement une zone fragile, sensible. C'est comme un petit milieu, j'allais comparer ça à un petit milieu humide, tu sais, qu'il faut prendre soin. Donc, c'est ça. Fait que si on utilise des savons ou des choses comme ça, ben il faut faire très, très attention parce qu'on va dérégler justement notre flore vaginale. Puis on est à risque finalement d'avoir des infections ou une vaginite. C'est pas super le fun dans ce sens-là. J'ai lu un article dernièrement qui fait un parallèle à ça. Il y a une hausse de ITSS chez les personnes âgées. C'est assez... En lien avec... Moi, je te donnais... En lien avec, vu que tu viens de dire de ce que tu viens de parler, puis je trouvais ça quand même... Je t'ai mis dans le trou en disant en lien avec. Non, mais... Mais c'est juste c'est parce que là, on parle comme de vaginite, mais qui n'est pas une ITSS. Non. Mais ça t'a fait penser à ça. Oui, ça m'a fait penser à un petit pop-up, excusez-moi de m'incruster. Mais j'ai lu ça hier. En préparant ma chronique, j'ai trouvé ça vraiment une hausse de ITSS chez les personnes. Et comment qu'il l'expliquait dans ton article? Moi, je t'en parlais parce que moi, j'ai donné Je te reviens avec ça dans deux minutes. J'ai donné une interview téléphonique à la radio d'Radio-Canada là-dessus, sur le sujet, hier. Puis je disais aussi souvent, c'est qu'on ne pense pas, les intervenants sont mal formés par rapport à la population des personnes âgées parce qu'on pense qu'ils n'ont plus de sexualité. Et les gens qui ont eu 20 ans des années 60, maintenant, en ont 70, 75. Donc, on s'est marché de la gériatrie, puis ils ont vécu leur sexualité. Donc, s'ils l'ont vécu à 20 ans, très fortement, ils vont la vivre aussi très fortement. Peut-être un peu moins, mais ils vont la continuer jusqu'à 70, 80. Et souvent, les personnes âgées ne parlent pas, parce qu'ils ont peur d'être jugés aussi. Fait que donc, ils font les choses en catimini. Puis souvent, je disais l'exemple du gars qui partait, il était en résidence. Privé, puis il s'en allait voir d'autres copines dans d'autres résidences, un peu comme une ronde de lait qu'il faisait, comme dans le temps du laitier. Et je me dis, il y a plusieurs amis, fait que donc, il n'en parle pas. Mais admettons, il va aller voir Clémence. Mais s'il y en a plusieurs comme ça... Ah, ben c'est ça. Mais c'est ce que je lis en lien avec ce que je viens de vous parler. À partir de 50 ans, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de décès, fait que les gens vont copuler ailleurs. Oui. Puis... À cet âge-là, tu ne penses pas nécessairement au ITSS. Fait qu'entre 2002 et 2011, les cas de gonorrhée et syphilis ont doublé. Puis c'est ça. C'est vraiment flagrant chez les personnes de plus de 50 ans qui sont de plus en plus actifs. Actif avec plusieurs partenaires. Sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier ça. Qu'est-ce qui marche le plus, ce n'est pas les clubs de rencontres, ce sont les réseaux sociaux. Puis des gens dans la soixantaine qui vont admettons, taguer d'autres femmes ou d'autres hommes pour des relations sexuelles, c'est, ça pullule, hein? Moi, je peux t'en parler là-dedans, là. Mm-hmm. Fait que donc, puis c'est pas pour entretenir. Il y en a, c'est pour une amitié durable, mais il y en a d'autres, c'est vraiment pour la baise, hein? Ben et oui. C'est, ça a changé Internet, la donne, hein? Fait que c'est sûr qu'il y a un manque des fois de sensibilisation ou de connaissances par rapport à tous les moyens mm-hmm. de contraception chez cette clientèle-là, parce que c'est plus visible. Ces personnes-là, souvent, justement, ils n'ont pas eu un nombre autant élevé de partenaires sexuels non. ou de conjoints au cours de leur puis vie. Ils disent qu'ils sont pas les autres. Ça, sinon, c'est, non, c'est ils sont ça. Ils n'ont pas eu la même jeune. Éducation sexuelle. Mais c'est ça, j'allais non, dire. C'est plus ça. Jeune à l'école, clairement, qu'eux autres, il n'y avait rien sous de ça. Ensuite, souvent, ils se sont engagés dans des relations de long terme mm-hmm. qui ont, avec le père ou la mère, leurs enfants. Donc, ça n'a pas vraiment été une question d'actualité au niveau des ITSS puis du condom. Puis souvent, c'est ça, les gens ils peuvent aussi se sentir un petit peu immunisés par rapport à ça. Bien, moi, j'ai eu une longue relation, donc moi, je considère que j'ai jamais génial. Été exposée à ça. Et mon partenaire, même chose, je sais pas, exemple, il est veuf, il a été 20 ans marié, 40 ans marié avec sa femme. Mais tu sais... Se croyant immunisé, ça. Mais non... Puis l'autre chose aussi, à quoi qu'on pense moins, c'est que les personnes âgées, bon, évidemment, là, la fonction sexuelle est plus touchée, donc des fois trop érectile, des choses comme ça. Donc la génitalité fait parfois moins partie, bien pas parfois, mais souvent ouais, moins partie c'est de ça. Leur réalité au niveau des scénarios sexuels, comment est-ce qu'ils font l'amour. Mais c'est pas grave, tu sais, des ITSS, là, on peut les attraper, on peut en être infecté sans pénétration, sans voilà, ouais. sans génitalité. Ça peut être juste par des frottements. Mm-hmm. Ça peut être aussi en utilisant des jouets sexuels, en échangeant des baisers, des caresses mm-hmm. orales, génitales. Donc, voilà. Fait que je suis pas surprise de ces mm-hmm. statistiques-là. Puis c'est... dans cet article-là, il y a eu Annick Beneke, qui est souvent collaboratrice ouais, avec ouais. nous, qui a dans écrit dans cet article-là. Fait que c'est vraiment mm-hmm. intéressant. Puis c'était... sur le site de Radio-Canada, alors. Mm-hmm. C'est une source assez fiable également. Ben oui, à travers dans le milieu. Oui. Ouais. Tu sais, c'est intéressant parce que là, on s'éloigne des stéréotypes sexuels, mais... Légèrement. Comme d'habitude. Mais tu sais, quand tu dis, il y a un homme parfois pour plusieurs femmes, parce que les femmes vivent plus vieilles, sont plus longtemps, en fait, que les hommes. La moyenne d'âge est plus élevée. Fait que rendu à 80, 90 ans, ben il y a beaucoup plus de femmes que pour d'hommes. Puis souvent, en tout cas, petite anecdote, je reviens à ma grand-mère, tantôt, je dis que c'est sa fête le 8 mars. J'ai déjà demandé à ma grand-mère que ça fait plusieurs années là, que mon grand-père est décédé. Puis, hey, grand-mère, toi, t'as-tu un petit chum? Parce que jamais qu'on a entendu parler qu'elle a eu une fréquentation autre que mon grand-père qui est décédé depuis plusieurs années. Puis elle m'a dit, ma petite fille, elle dit, t'es vraiment informée. Mais elle dit, c'est difficile parce qu'à mon âge, elle dit, les hommes de mon âge, mettons dans les 80, cherchent des femmes plus jeunes. Mm-hmm. Puis, en plus, il y en a moins. Puis, il y en a une méchante gang qui ont des problèmes de santé. Donc, tu sais, c'est pas un partenaire intéressant pour ma grand-mère qui fait encore sa natation à tous les jours à 80 ans. Donc, voilà, c'est... Je trouvais ça comme triste au niveau de la disponibilité. Donc, ouais. Je suis pas surprise s'il y a un homme... Je dis pas que cet homme-là profite de la situation, mais tu sais, il y a peut-être des opportunités. Peut-être que certains hommes sentent qu'ils ont plus d'opportunités. J'imagine. Puis, mais tu sais, ça change pas qu'il y a plein d'hommes aussi de ces âges-là qui sont plus pro-engagement puis qui vont s'engager auprès d'une femme, là. Ouais. Ouais. Donc, voilà. C'est ça va être intéressant c'est à suivre des dans âgées. La... Intéressant à suivre dans l'évolution des choses dans les mm-hmm. années futures parce que la démographie fait qu'on va avoir de plus en plus de personnes âgées mm-hmm. versus l'inverse. On est déjà là-dedans. On est déjà là-dedans, mais ça va s'accentuer selon les prévisions. Puis si on parlait de... mon lien est vraiment boiteux. Là. On parlait de malaise de vulve. On a vraiment un malaise avec la sexualité des personnes âgées. Oui, surtout quand ils sont placés, entre guillemets, là, quand ils sont dans des ressources... Puis là, des fois, les petits-enfants aussi craignent les nouveaux liens entre leurs parents puis d'autres résidents ou d'autres personnes. Mmh. Des fois, pour une question monétaire, ils ont peur de perdre la place sur le testament. Parfois, ils ont peur que leurs parents soient abusés, justement, parce qu'ils voient qu'ils ont une vulnérabilité, c'est normal. Parfois aussi, c'est ça, les enfants ont de la misère à traverser à voir leurs parents comme des êtres sexués plutôt que de les voir comme des êtres vulnérables placés. Puis, ouais. Tu sais, c'est eux-mêmes là, qui sont confrontés à leurs propres tabous. En tout cas, il y a toutes sortes de raisons, mais La sexualité des parents est souvent très tabou, même quand les parents ne sont pas encore âgés. Mais on est comme, ouais, je veux pas savoir ce qu'est l'amour. C'est exactement ce que je m'en allais dire. Tu sais, t'as comme, tu veux te mettre une barrière, faire comme, ah, je veux pas imaginer mes parents ou mes grands-parents avoir une sexualité. Ouais. Imaginez votre mère de 80 ans avoir une sexualité avec un homme qu'on connaît pas. Tu sais, il est pas votre père. Tu sais, tu t'imagines, avoir quelqu'un comme fuck friend, si on peut dire, juste pour assouvir ses besoins sexuels. Mais autant les parents ne veulent pas voir nécessairement aussi leurs enfants. C'est vrai. Et c'est quand on fait de l'éducation à la sexualité dans les polyvalentes, quand il y a la problématique aussi où les jeunes s'exposent beaucoup, où ils vont étaler leur intimité énormément. Et ce qu'on aimait leur mettre en reflet, c'est aimeriez-vous voir vos parents, surprendre vos parents en train de faire l'amour dans les cases ou ou sur le comptoir de la cuisine? Oui. Non, ben c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être aussi vrai pour vos professeurs et vos parents. Mais finalement, la sexualité peut être très présente, mais aussi très intime. Mais en lien avec ça, tu sais, quand on parlait de, je sais plus si c'est la semaine passée ou il y a deux semaines, des clics les plus actifs, si on peut dire, sur les sites de porno, puis qu'il y en a que c'était vraiment girls ou daddy ou, tu sais, des... Moms. Ouais, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, il y en a peut-être qui ont ce fantasme-là de penser puis qu'ils le disent juste pas. Les MILF, hein, qu'on a parlé la semaine passée. Non, tu penses pas? Je sais pas. En fait, tu sais, il y a peut-être des enfants qui sont comme une excitation par rapport à entendre, je sais pas, leurs parents avoir une relation. Je trouve ça weird. Un peu. Je connais pas les stats de ça, mais je vais dire. Mais en fait, ça sort en premier dans les stats. Mais, c'est vrai que ça peut. Ben, soit ça peut créer un malaise. Je veux dire, tu sais, des parents qui font pas suffisamment attention pour protéger leur intimité, puis que l'enfant peut être mal à l'aise par rapport à ça, d'être exposé à la sexualité de leurs parents. Il y en a pour qui aussi, qui nomment que ça peut être rassurant, tu sais, d'entendre leurs parents faire l'amour, de sentir qu'ils s'aiment. Mm-hmm. Là, je dis pas aux parents de faire exprès, de faire du bruit, mais tu sais qu'il y en a que ça, tu sais, c'est des histoires qu'on entend, là, tu sais, que c'était comme le bruit de fond en s'endormant, puis pas à toutes les soirs, mais tu sais qu'il y avait quelque chose de rassurant par rapport à ça. Puis effectivement, ça peut éveiller aussi la curiosité sexuelle des enfants, mais tu sais, de manière générale, je pense que les intervenants s'entendent pour dire que la sexualité parentale doit demeurer de l'ordre de l'intime, tu sais. Oui, c'est sûr. On parle vraiment des relations sexuelles parce que, tu sais, le côté affectif de se prendre une petite fesse en passant ou de se bécoter devant les enfants, je veux dire, ça, c'est juste d'offrir un beau modèle de parents qui s'aiment. Il n'y a pas, y a pas de lieu de s'alarmer là, dans ces situations-là. Au contraire, c'est très, très normal. Là. Oui, de montrer qu'il peut avoir de l'affection sans génitalité, sans érotiser l'affection, c'est très, très sain. À l'inverse de tout le temps... génitaliser le tout. Je regarde l'heure et elle file de plus en plus. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été là ce matin. Mélanie, ben, tu peux pas parler. Mais quoi que tu m'as envoyé un texto et je trouvais ça fort pertinent, quoi qu'on n'a pas tellement le temps d'en parler. Mais on parlait de la journée de la femme, internationale de la femme, mais on parle pas de la journée internationale de l'homme. On a un certain double standard ici qu'on aurait pu parler plus longuement. Malheureusement, on n'a plus de temps. Bon, sur ça... sur ça, on se dit bonne semaine. On se dit bonne semaine et... Bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et voilà, tout simplement.